Allons, partons ensemble, là où aucun être humain n'a jamais été. Oh non, il faut être vraiment malade pour continuer d'imposer ça aux gosses. Où étiez-vous la nuit dernière? Chez moi, j'ai regardé la télé. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. Mon Dieu, quelle mère indigne je fais! J'en ai marre de me faire manipuler! T'as vraiment rien de mieux à faire que de venir ici branler cette foutue machine. Il y a des fois où je fais pas la différence entre la merde et le cirage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Home Alone, le rendez-vous mensuel des Kevin McAllister de la cinéphilie. Des enfants qui ont raté l'avion en partance pour la salle de cinéma de la génération qui a fait rentrer binge-watching dans le petit Robert de tous ceux pour qui week-end rime avec Netflix and chill, le rendez-vous du cinéma à la maison. Alors, l'idée de Home Alone, vous l'aurez peut-être compris, c'est de vous proposer chaque mois quelques heures en notre compagnie à vous, chers auditeurs, qui préférez votre canapé ou le fond de votre lit, au fauteuil pourtant fort confortable des salles de cinéma. Parce qu'on s'est tous déjà retrouvés à ne plus savoir quoi regarder le dimanche sous la couette, tellement le champ des possibles est devenu immense, et qu'on s'est dit que peut-être on pouvait vous aider à sortir de cette impasse. Home Alone, ce sera chaque mois un rendez-vous rythmé par plusieurs rubriques. On abordera ensemble l'actualité du streaming, mais aussi celle de l'édition vidéo. On tentera également de vous proposer des films qui collent au plus proche de votre humeur du moment. On prendra quelques minutes pour vous parler de streaming en général, sans forcément parler de films. Et enfin, avant de se quitter, en fin d'émission, pour les plus vaillants d'entre vous, nous vous proposerons un dernier petit coup pour la route. Mais tout d'abord, puisque vous vous demandez sûrement qui se cache derrière ce mystérieux on, et comme j'ai déjà beaucoup parlé, je laisse le micro à Jean, l'homme sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, l'homme qui voit tout ce qui sort et ce qui ne sort pas. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, dis-nous un petit peu qui tu es. Eh bien, je me prénomme donc Jean, j'ai 29 ans, j'habite à Lyon. Et dans la vie, j'aime le cinéma, l'astrologie, faire la vaisselle. Oh, faire la vaisselle. J'aime aussi les apps et regarder Nagui le midi. Prêt à marier, on dirait. Merci Jean. Et donc moi, je m'appelle Clément, j'ai 29 ans, l'âge auquel, selon le magazine Elle, les femmes se sentent belles, ce qui reste à démontrer, et je serai votre hôte durant toute la durée de cette émission. Et donc, voilà, les présentations étant faites, nous pouvons commencer. Et pour commencer, je vous propose d'ouvrir les hostilités, tout en bienveillance bien sûr, avec notre première rubrique... Stream Breaker. Stream Breaker. Madame, monsieur, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 20h, bonsoir à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Et oui, bonsoir à tous, bonsoir Jean. Alors, Stream Breakers, tous les mois, c'est un moment pendant lequel on se propose de décortiquer pour vous l'actualité des plateformes. Et pour ce premier numéro, on s'est dit qu'on allait inaugurer cette rubrique en jetant un coup d'œil dans le rétro en direction de l'année qui vient de s'achever, l'Anus Horribilis, j'ai nommé... 2020, une année au terme de laquelle vous vous dites peut-être, mais j'ai tout vu pendant ces journées sans fin, confinées chez moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder maintenant? Et nous allons essayer ce soir de répondre à cette épineuse question. Car oui, même si vous avez déjà vu The Queen's Gambit, Emily in Paris, Tiger King, Soul, I'm Thinking of Ending Things, bref, tous les films et toutes les séries qui ont fait la une de l'actualité en 2020, rassurez-vous, il vous en reste des choses à voir et nous allons vous le prouver tout de suite, n'est-ce pas Jean? Et oui, il y a toujours quelque chose à découvrir. Toujours, toujours. Et alors, ce soir, nous vous parlerons donc d'un filmeur qui, au fil de ses pérégrinations, nous fait redécouvrir New York et son humanité. Nous vous inviterons à sortir les mouchoirs et à méditer sur le temps de l'amour en compagnie de deux gens normaux. Nous vous prouverons que la taille du sexe d'un homme n'est aucunement proportionnelle à celle de son talent. Nous vous présenterons un jeune homme contraint de quitter son pays avec pour seul bagage quelques pas de danse. Et last but not least, nous vous amènerons sur un plateau d'argent, rien de moins que le plus beau joyau brut de cette année 2020. Mais avant de commencer, petit point méthodologique, pour reprendre les mots du grand William Friedkin, que Jean, je crois, tu imites très bien. Non. Non, non, pas ce soir en tout cas. Nous ne croyons pas en la compétition entre les films. Le cinéma, ce n'est pas un match de ping-pong. Il n'y a pas de meilleurs films, seulement des films qu'on aime. Et donc, pour cette raison, nous ne ferons pas de top. Et du coup, Jean, par quoi on commence ? Bien, on va commencer ce soir par une série comique qui s'appelle How To With John Wilson, qui est une série HBO, sortie donc en 2020. Qui comprend 6 épisodes de 30 minutes. Ah, c'est très court. C'est très court, mais intense. Ah, intense, intense. Et d'où ça sort ? C'est qui John Wilson, ce type qui se met son propre nom en tête d'affiche de sa série ? Eh bien, moi, personnellement, j'ai découvert cette série via un autre comédien qui lui aussi avait son prénom dans le nom de sa série. C'est Nathan Fielder. Et qui avait donc fait la série Nathan For You en 2013, je crois, sur 3 saisons, il me semble. Ouais, une série que tu m'avais fait découvrir, d'ailleurs. Ouais, c'est une série, si vous ne connaissez pas, c'est une série comique également, mais très absurde sur un mec qui se propose de venir en aide à des commerces en difficulté, mais de manière vraiment très décalée. Oui, en prétextant des compétences managériales dont on peut douter, étant donné que pendant le générique de sa série, il dit qu'il a graduated avec des really good grades, et à ce moment-là, à l'écran, on voit des C-, des notes plus que moyennes. Donc disons que c'est quelqu'un qui va aller aider des gens qu'il n'est pas forcément en capacité d'aider, mais ça va créer des belles situations, des situations drôles. Et donc ça, c'était Nathan For You. Et en comédie, clairement, là, oui. Je pense qu'il aurait des A+, A++. Hein. Ah bah complètement, oui. S'il avait fait un master en comédie, c'est sûr qu'il aurait tout défoncé. Et donc Nathan Fielder, il produit John Wilson. Et on ne sait pas comment il a trouvé John Wilson, mais en tout cas, John Wilson ne sortait quand même pas de nulle part, parce que John Wilson avait déjà fait des films. John Wilson avait une page Vimeo sur laquelle il publiait ses films gratuitement. Des courts-métrages. Voilà, des courts-métrages. Ça faisait une dizaine d'années qu'il en faisait, à peu près au rythme d'un par an, des films assez courts, hein, qui allaient de 5 minutes à 30 minutes. Et là, c'est donc, comme on le disait, son premier projet de grande envergure, hein, une série de 6 fois 30 minutes sur HBO. Et donc, en quoi ça consiste, How To With John Wilson ? Juste avant, on a pas précisé une chose importante, c'est que c'est d'autant plus son premier projet d'envergure que c'est une série HBO. Ah oui. Donc, on n'est pas sur n'importe quelle chaîne. Oui. Voilà, c'est une chaîne qui prône vraiment des programmes de qualité, de très grande qualité. Ouais. Et donc, donc la série s'appelle How To, comme on le disait, How To With John Wilson. Donc, en fait, chaque épisode est intitulé commence par How To, How To Make Small Talk, How To Improve Your Memory, How To Split the Check. Donc, c'est un peu des sortes de tutos. C'est des tutoriels. Enfin, ça se veut comme des tutoriels, ça mais se présente comme c'est, ça. C'est pas les tutoriels que vous trouverez sur Internet pour masquer vos cernes ou je ne sais quoi. C'est une sorte de clin d'œil à cette culture YouTube dans laquelle on baigne depuis quelques années. Sauf que lui, il détourne ça, entre guillemets. C'est ça. On peut penser aussi à un détournement célèbre des tutoriels Internet sur YouTube. C'était la chaîne How To Basic. Ah oui, connaissez, oui. Qui était vraiment très très drôle et qui d'ailleurs... On ne sait pas qui faisait les How To Basics. Ouais. Si ça tombe, c'était John Wilson. Là, on sait que c'est John Wilson pour la série dont on va vous parler, mais... Les How To Basics. Mais on ne le voit pas non plus vraiment, John Wilson, dans la série. Mais non, on l'aperçoit dans des reflets, dans des miroirs, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas. On ne voit que ce que lui voit. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui filme tout le temps. C'est quelqu'un qui filme 24 heures sur 24 quand il est chez lui, mais aussi quand il est dehors. Il est beaucoup dehors. Ça fait d'ailleurs assez étrange de voir une caméra se balader autant dans les rues, étant donné que nous, on ne peut plus trop s'y balader. Je trouve que ça résume assez bien, ce que c'est que la manière de travailler de John Wilson, en fait. John Wilson, c'est quelqu'un qui va aller partout, tout le temps, tout filmer les choses qui vont lui paraître incongrues, drôles, poétiques, et qui ensuite va monter sous forme, comme ça, comme on l'a dit, de faux tutoriels, en fait, des petites histoires de la vie urbaine et des rencontres qu'on y fait, quoi. Voilà. Mais ça rappelle d'ailleurs, ça rappelle d'ailleurs non seulement du coup en fait la culture du tuto sur Internet, mais aussi la culture du zap un petit peu, non ? Ouais, complètement. En fait, enfin justement, je vous ai dit dans mon introduction que j'aimais les zaps. Et voilà, le zap sur Internet, habituellement, c'est un enchaînement de séquences plus ou moins drôles, mais qui n'ont aucun lien entre elles. À la limite, dans certains zaps que vous pouvez voir, les zaps canal ou les zaps de vue, il y a des liens humoristiques qui sont tissés entre les séquences, mais là, on parle vraiment d'un mec qui filme partout dans New York et qui va filmer, je sais pas, un coq qui est en pleine rue en train de manger un bout de cookie et voilà, toutes ces scènes-là, il va, grâce au montage, il va en faire une histoire en partant du coup de tous ces éléments très très disparates et auxquels il va donner une cohérence. Et alors, puisqu'on parle de rencontres, de rencontres qu'il fait, de gens qu'il va voir, est-ce qu'on peut donner quelques exemples des rencontres les plus marquantes qu'il va faire au cours de cette première saison ? Ah bah, je pense que c'est une très bonne idée, même si on veut donner envie à nos auditeurs de regarder cette série. Eh ben alors, je me lance. Moi, je pense que c'est peut-être pas la plus drôle, mais c'est celle qui m'a le plus touché. Et je pense que ça donne une idée assez claire de ce que c'est que le projet de John Wilson et de la manière dont ça fonctionne, How to with John Wilson. C'est une rencontre qu'il fait dans le premier épisode. En fait, dans le premier épisode, toute la première partie va se baser comme ça sur un montage d'images disparates et sur les liens qu'il fait entre ces images. Ça, on en a déjà parlé. Et puis, à un moment donné, il va décider de partir pour la côte. On ne sait pas exactement où. Je ne sais même plus si c'est en Floride ou ailleurs. Enfin bref, dans une sorte de station balnéaire où a lieu un énorme spring break. Et là, à ce moment-là, l'épisode va complètement dérailler parce qu'il va rencontrer ce jeune homme qui est en fait tout aussi perdu que lui dans cet environnement. Et c'est ça qui est beau avec John Wilson, c'est-à-dire que il va s'engouffrer dans la brèche, c'est-à-dire que voilà, il va voir quelque chose qui est intéressant chez ce jeune homme, il va s'acharner à le suivre et à le faire parler et récolter sa parole, et d'un coup, il va embrasser cet accident, cette rencontre de la vie pour nous emmener ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment à l'image de toute la série, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui voit des choses, qui observe, et puis quand quelque chose retient son attention, il va s'y attarder avec nous et du coup nous emmener dans des territoires complètement inédits. Voilà, il va y avoir ce jeune homme au spring break complètement perdu, esselé, en manque d'amis, en manque de filles, et puis après un épisode plus tard, ce sera un type complètement improbable qui tente de reconstituer son prépuce parce qu'il a été circoncis quand il était jeune et que son grand truc dans la vie, c'est de créer des techniques de reconstitution de prépuce. Et donc John va aller dans la chambre de cet homme, le filmer en train d'utiliser sa machine à reconstruire le prépuce, c'est-à-dire que c'est un système de poulie hein, qui va accrocher à son gland pour tirer la peau de son pénis pour se reconstruire un prépuce. Et c'est-à-dire que voilà, John Wilson, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de la rencontre, jusqu'au bout de l'idée, et ça c'est à la fois très beau et à la fois très drôle parce que les gens qu'il rencontre sont tout aussi drôles que lui. Et en parlant de la reconstitution du prépuce, on parle d'un épisode qui partait à la base de ces protections de chantier, enfin les échafaudages de chantier qui sont faits pour empêcher tout accident, toute chute. Oui, que les passants se prennent des briques sur le coin de la gueule, ce genre de choses. Et donc en fait, voilà, ça montre bien que John Wilson, c'est quelqu'un qui part d'un point A et nous emmène on ne sait jamais où. Voilà, mais toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie et de manière toujours très très très très poétique. Voilà. Et c'est vrai que moi, voir ça cette année, ça m'a fait du bien parce que ça déjà m'a donné la possibilité de sortir quand on ne le pouvait pas forcément, d'aller à la rencontre de l'inconnu quand on ne le pouvait pas forcément. Et déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est une série qui tombe complètement à pic. Et sans vouloir vous dévoiler trop de choses sur les derniers moments de cette série, à un moment donné, elle vient rejoindre ce réel qu'on a vécu cette année. Donc c'est vraiment assez magistral la manière dont cet objet fait écho à tout ce qu'on a vécu. Et puis c'est un magnifique portrait de la ville, un type de portrait qu'on voit finalement assez rarement. La ville, c'est souvent décrit comme l'endroit de la fête ou l'endroit de la violence ou l'endroit du romantisme. Et là, la ville, d'un coup, ça devient l'endroit de la poésie, l'endroit de l'absurde. L'endroit du lien, et d'autant plus dans une ville comme New York où on le sait, hein, on a vécu dans des grandes villes, on vit encore dans des grandes villes. C'est parfois, paradoxalement, quand on est entouré du plus de gens possible qu'on peut se sentir le plus seul. En regardant How to Wish John Wilson, on se sent très entouré et on se dit que tout autour de nous, il y a tout un tas de choses à voir qu'on n'avait pas forcément vues. Et voilà, ça donne envie de sortir de chez soi, de regarder autour de soi et de faire du lien à notre tour. Voilà. Et très bonne nouvelle, la série est renouvelée pour une seconde saison. Ah, je savais pas. Et on peut imaginer qu'avec le contexte actuel, enfin depuis un an, bientôt un an maintenant, à mon avis... Il a dû faire des images... Des très bonnes choses pour la deuxième saison. Ah, ça c'est très bien. On a une date pour la deuxième saison ? Non, pour l'instant non, D'accord. Et malheureusement, je suis au regret de vous annoncer qu'on n'a pas non plus de date pour la première saison en France. Alors, dans Home Alone, on met un point d'honneur à ne vous parler que de choses que vous pouvez voir. Et je me suis laissé piéger par la publicité un petit peu mensongère, hein, disons-le, d'OCS, qui nous promet toutes les séries et tous les films HBO. How to Wish John Wilson, on l'a dit, est une production HBO diffusée sur HBO. Et pour autant, à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas sur OCS. Donc voilà, mea culpa, hein, je me suis laissé avoir par une campagne marketing un peu douteuse de la part d'OCS. Mais je suis sûr que voilà, si on vous a donné envie, vous réussirez à trouver How to Wish John Wilson. On vous fait confiance, ça vaut vraiment la peine. Et puis au pire, vous nous envoyez un petit mail et puis on vous expliquera où est-ce que vous pouvez la trouver. Dès que les vols reprennent, prenez un avion pour New York et regardez la série pendant que vous y êtes. Hein. Ah bah ça, ce serait très wilsonesque. Je sais pas si on peut inventer ce mot ce soir. On peut, ouais. Mais voilà, ce serait vraiment le genre de choses que pourrait faire John. Ce serait beau. Mais donc, peut-être qu'on peut enchaîner sur quelque chose que les gens pourront voir sans prendre l'avion, hein ? Oui. On va du coup vous parler d'une autre série humoristique. Oui, restons dans le rire. Ouais. Une série américaine, encore une fois, qui s'appelle Dave, le prénom Dave, D-A-V-E. Et Dave, c'est une série de FX, je crois. Ouais, c'est FX, FX et Hulu qui diffusent ça aux États-Unis. Et donc, c'est diffusé sur FX et Hulu là-bas. Mais surtout, c'est de qui ? C'est d'un rappeur qui s'appelle... Dave Bird, mais plus connu sous son pseudonyme, Lil Dicky. Voilà, ça veut dire quoi, Lil Dicky, Lil pour Dicky, nos auditeurs qui ne sont pas anglophones Comme ça, je dirais mal membré. Mal membré, ça va, ça passe auprès du CSA. Et donc, c'est une série comique, on l'a dit, de 10 fois 30 minutes. Et qu'est-ce que ça raconte, en gros ? Bon, on imagine que ça parle d'un type qui s'appelle Dave. Il s'appelle Dave. A.K.A. Lil Dicky. Uh-huh. Et c'est très simple, en fait, c'est comme beaucoup de films et de séries, c'est l'ascension, en fait, de ce rappeur. Ça commence avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit, et en 10 épisodes, vous allez pouvoir voir tout ce qui l'a amené à la célébrité, en quelque sorte. C'est un peu la naissance d'une star. A Star is Born, voilà. Et alors moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que j'ai l'impression que voilà, justement, ce motif de la star naissante, de la star montante, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent, ou alors de l'artiste en train d'éclore. Mais contrairement à une autre série de ces dernières années où il y avait un personnage central, un personnage principal qui voulait embrasser une carrière artistique, je pense à Girls avec le personnage de Anna qui voulait écrire, là, pour moi, ça diffère énormément. justement parce que contrairement à beaucoup d'autres histoires du même genre, ici on voit que Lil Dicky c'est quelqu'un qui a un vrai talent, qui a un vrai talent de rappeur, qui a un vrai talent de comique, et finalement je me rends compte c'est assez rare dans ces histoires de gens qui se battent comme ça pour réaliser une sorte de rêve artistique de retrouver à l'écran quelqu'un qui a un actuel talent et qu'on nous montre. Alors ce qui est assez fort pour moi avec Dave, c'est que au début on peut douter de son talent quand même. Exactement, en fait, il fait partie de ces gens qui se prétendent artistes, rappeurs, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais qui, en fait, sont un peu des gros branleurs. C'est, voilà, c'est ça, des slackers, des branleurs. C'est-à-dire que même sa copine, il a une copine, et même sa copine ne l'a jamais entendu rapper, quoi. Ouais, ouais, et elle réclame à corps et à cri de l'entendre rapper, et alors pourtant que le type se dit être un rappeur, quoi. Donc c'est quand on voit ça, on se dit est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de ma gueule? Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, non, on se fout pas de notre gueule. Et au tout début de la série, on apprend quand même qu'il a été certifié sur Twitter, je crois. Oui. Donc je sais pas ce qu'il faut faire exactement pour être certifié, mais en tout cas, on l'a pas entendu rapper, quoi. On l'a pas entendu rapper, et en même temps, ça montre bien, comment dire, j'ai envie de dire, la hiérarchie des priorités de notre génération, un petit peu. C'est-à-dire que il est content d'être certifié Twitter. Par contre, le fait de pas encore avoir enregistré un album, ça l'empêche pas de pouvoir se dire rappeur. Un album, c'est gentil, un son tout simplement. Oui, bah il a quand même fait une chanson, on nous l'a dit, à propos de la taille et de la morphologie de son membre. Ouais, en fait, ouais, il a fait quand même un petit buzz avec son premier son, donc. Mais on comprend que ça date et que bon, il vit un peu sur les lauriers de ce truc et le buzz retombe forcément. Voilà, voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est au final quelqu'un qui a un vrai talent et on va s'en rendre compte finalement assez tôt dans la série. Et même si ensuite il va y avoir toute une sorte de période de flottement, hein, où on va le voir dans cette sorte de lutte pour avancer vers sa réalisation, ça va finir par aboutir sur une sorte de confirmation sous la forme d'un épisode pour moitié musical que moi j'ai vraiment trouvé assez hallucinant, en fait. Ah oui, clairement, le dernier épisode, toute l'intro là, qui doit durer quoi, 15 minutes, elle est vraiment hallucinante. On va pas spoiler, évidemment, mais moi, ça m'a rappelé une autre série faite par un rappeur américain qui était Atlanta, de Childish Gambino. Alias Donald Glover. Donald Glover. Ouais, pas Danny Glover. Hein. Non. Et ouais, Atlanta, enfin, Dave, on est dans une série comique, comme on a dit. Atlanta est beaucoup plus sérieux, mais en tout cas, la créativité que j'ai pu voir dans cette intro du dernier épisode de Dave m'a rappelé fortement ce qu'était Atlanta. Mais Atlanta, c'est ça dans chaque épisode, hein, c'est vraiment tenu sur tous les épisodes. Alors évidemment, Dave, on n'est pas dans la même ambition. Hein. Dave, c'est une série humoristique. Sur un rappeur, on n'a pas précisé qui fait du rap parodique, en fait. Bah. Lui dirait que non. Lui dirait que non, il prend très au sérieux son rap, mais en fait, personne ne le prend au sérieux. Donc, c'est un peu ça la blague de la série. Ouais, et d'ailleurs, j'ai regardé un peu sa biographie sur Wikipédia. Et en fait, à la base, lui, ce qui l'intéressait vraiment, c'est la comédie, en fait. Et en fait, il s'est improvisé rappeur parodique en espérant faire le buzz et pouvoir après trouver du boulot en écrivant pour la télé, le cinéma, dans la comédie. Ah. Mais il a tellement aimé en fait le rap au final, ce qu'il faisait dans le rap, qu'il s'est lancé à fond là-dedans et c'est sûrement ça que t'as ressenti dans la série. Donc en ce sens-là, Dave Byrd n'est pas complètement David Byrd. C'est-à-dire que David Byrd, c'est quelqu'un qui voulait être peut-être acteur ou cinéaste, alors que Dave, de la série Dave, veut faire du rap à la base et ne faire que du rap. Donc il y a quand même un petit peu de transposition du réel, quoi. Bah oui, non, clairement, on n'est pas dans une série autobiographique réaliste, quoi. C'est la version améliorée de sa vie, celle qui est... Améliorée, et en même temps, quand on voit ce qui lui arrive des fois... Disons que je pense que il a grossi le trait dans tous les sens. Je pense que à la fois quand il réussit peut-être plus qu'il n'a réussi quand il a réussi dans la vraie vie, mais quand il échoue, bon, en tout cas, j'espère pour lui qu'il a pas échoué aussi durement que quand il échoue dans la série. Et je pense notamment à sa vie sentimentale, parce que bon, le pauvre, il lui arrive des choses, mais bon. Je pense notamment à ce qui va se passer entre lui et sa copine. Bon, on sait tous que certains métiers, certaines vocations peuvent venir en travers de l'amour, peuvent compliquer des histoires d'amour. Hein. Ça crée des problèmes de disponibilité en termes de temps, de disponibilité émotionnelle. Et voilà, Dave, voilà, je pensais pas parler de ça ce soir, mais c'est aussi à certains endroits une série qui parle de ça. Ouais, c'est très, très, très riche en fait. On peut y aller pour plein de choses. On peut y aller pour rire, on peut y aller pour entendre du rap, on peut y aller pour voir aussi à un moment donné une belle histoire de couple. Enfin, c'est vraiment une série qui est assez riche, que nos auditeurs ont peut-être eu la chance de voir en France et que je sais que toi, Jean, tu as vu complètement en entier. Ouais, c'est, du coup, c'est la série de Canal+ validée. Donc évidemment le point commun entre les deux séries est l'ascension d'un rappeur, le rap et l'ascension d'un rappeur, hein, c'est vraiment c'est vrai que c'est le même pitch de base. Bah, c'est-à-dire que Dave, dans la série, le premier gros truc qui lui arrive, c'est de se retrouver en studio avec YG, qui est un rappeur américain déjà très très connu, qui est un vrai rappeur américain. Ouais, c'est un vrai rappeur. Il y a beaucoup de vraies personnalités dans la série, dont Macklemore, Kourtney Kardashian. Et du coup, voilà, la première chose qui lui arrive de bien, qui fait avancer sa carrière, c'est que YG le filme dans une story Instagram en train de rapper, quoi, dans le studio. Et validé, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeune livreur qui dès le premier épisode se retrouve à rentrer dans le studio Skyrock et à rapper devant un rappeur qui est hyper connu. Mais par contre, qui est fictif. Oui, c'est ça. Parce que, alors moi, j'ai pas vu tout validé. J'ai vu que le premier épisode, je pense. Qui existe et qui n'existe pas dans validé? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des sortes de petits guests comme ça, à un moment donné, un type de la crime dans une boîte. Mais en tout cas, les personnages principaux, est-ce que ce sont des vrais gens? En fait, il y a des rappeurs connus. Je crois, oui, il y a la crime, je crois, qui joue son rôle. Au-delà de ça, il y a des... Je connais pas assez bien le rap français actuel, mais je pense qu'il y a des rappeurs connus qui jouent des rappeurs fictifs, en fait, dans la série. Et puis, à l'image, du coup, du personnage principal, en fait, qui est interprété par Atik. Et Atik, c'est un... Je sais pas... J'ai pas l'impression que ça soit vraiment un rappeur, c'est plus du R&B, j'ai l'impression. En tout cas, c'est quelqu'un qui chante plus qu'il rappe. En vrai. Mais voilà, c'est pas autobiographique du tout validé. Mais il ne joue pas un mec qui s'appelle Atik et tout, au contraire, ouais, il joue de pas son rôle. Dave qui prend des vraies personnes pour jouer leur propre rôle, pour leur faire jouer des choses fictives, mais il y a ce jeu aussi avec le réel et qui, bah, moi j'ai trouvé, donne une sorte de véracité, enfin je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose du réel dans Dave qui moi m'a accroché là où en fait j'avoue je suis pas allé plus loin dans Validé parce que quand j'ai regardé le premier épisode j'ai senti que voilà, par rapport à Dave que je venais de voir juste avant, c'était peut-être un peu plus fabriqué, voilà. Mais en tout cas, voilà, si les gens ont vu Validé, bon, on peut leur conseiller de regarder Dave, voilà. C'est en fait Validé, moi j'ai trouvé ça très bien, mais évidemment c'est pas du même niveau que Dave ou Atlanta, mais pour une production française en série, je trouve ça quand même de très bonne qualité, très bonne facture. C'est Franck Gastambide, hein, qui a fait qui a l'origine de la série. Qui a fait quoi d'autre? Gastambide? Ah bah Gastambide, il a fait... je crois qu'à la base, c'est une sorte de troupe de comiques, hein, et ils ont fait les Kaira, il a fait le dernier Taxi 5, je crois. Et non, mais voilà, moi j'ai quand même été impressionné par le niveau... Le niveau de la série, non, vraiment, ça vaut le coup également. Et où est-ce qu'on peut voir Dave? Eh bien, justement, là où on peut voir Validé aussi, hein, sur... Sur MyCanal. Voilà, sur MyCanal. Voilà. Sur quoi on enchaîne? Un film, peut-être? Ouais, je pense qu'on peut passer sur un film, là. On vient de parler de deux séries. Restons dans la musique. On va rester dans la musique, ouais. On va vous parler d'un film que vous avez peut-être vu passer sur Netflix. Ou peut-être pas. Et oui, parce que c'est un film qui est d'origine, qui nous vient du Mexique. Ouais. Et un film de Fernando Frias. Fernando Frias, ouais, tout à fait. Qui a probablement pas été trop mis en avant en France sur votre page Netflix. Ça dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez beaucoup de trucs de musique et de danse, peut-être qu'il vous l'a proposé. Si vous regardez beaucoup de trucs mexicains, peut-être qu'il vous l'a proposé. C'est probable. Si vous regardez plutôt des trucs de cuisine et des trucs allemands, bon, c'est moins probable. Mais bon, on est aussi ici, là, dans Home Alone pour faire le travail que ne fait pas l'algorithme. Hein. Donc voilà, on a creusé et puis on vous a trouvé Yano Estoy Aquí. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. C'est comme ça qu'il est intitulé sur Netflix si vous le cherchez. Et donc, ça parle de quoi, Yano Estoy Aquí? Yano Estoy Aquí, ça nous parle d'un jeune danseur de cumbia. La cumbia, c'est quoi la cumbia? Alors, la cumbia, c'est une danse traditionnelle qui nous vient de Colombie. C'est une danse ou une musique? J'ai pas très bien compris. En fait, à la base, c'est une musique qui a donné lieu à une danse, je pense, de manière assez similaire à, par exemple, au flamenco. Au fado. C'est une danse traditionnelle. C'est à la fois une danse et une musique. C'est ça. Et en fait, cette cumbia a donné lieu au Mexique à une sorte de mouvement de contre-culture, à la même manière que le hip-hop aux États-Unis ou en France, qu'ils ont appelé la Colombia avec un K. Et en fait, c'est devenu un style de danse vraiment de contre-culture où on passe de la cumbia plutôt ralenti hein, dans le film. Il y a cette idée de ralentir la musique pour que ça dure plus longtemps. Ouais. On en reparlera. Ouais. Et donc, c'est un jeune homme qui s'appelle Ulysse, qui a 17 ans et qui est un peu le leader de son petit crew qui s'appelle Los Tercos. Ouais. Son petit crew qui est basé à Monterrey. À Monterrey, oui, tout à fait. Et ce jeune homme va être contraint, on va le voir très tôt dans le film, d'émigrer clandestinement aux USA à la suite d'un quiproquo avec un cartel de sa ville. Oui. Et voilà. En gros, le pitch du film, c'est ça. Voilà, c'est ça. On le cueille à ce moment-là de sa vie où il est contraint de partir et on voit quel est son... à la fois son quotidien dans ce pays dans lequel il n'a pas de racines, il n'a personne, il n'est pas forcément accueilli. Et en même temps, en parallèle de ça, on voit aussi par des sortes de fragments ce qu'a été sa vie à Monterrey et sa vie avec justement cette bande d'amis avec lesquels il dansait la cumbia. Voilà. Et de prime abord, ça sonne un petit peu comme une histoire qu'on a déjà vue plein de fois. C'est-à-dire, c'est pas le premier film qui nous montre quelqu'un qui est contraint de quitter son pays pour une raison X ou Y et qui arrive dans un autre pays où on veut pas de lui. Ouais. On en a vu beaucoup, notamment Sin Nombre de Kari Joji Fukunaga qui fait le nouveau James Bond. Qui avait du coup commencé avec ce film où justement c'était pareil pour des raisons de violence de cartel etc. C'était des jeunes, un jeune homme et une jeune femme qui montaient sur un train pour rejoindre les États-Unis. Mais alors en quoi ça diffère de ce type d'histoire qu'on a pu déjà voir Yano Estoy Aquí? Pour moi, ça diffère dans le sens où c'est pas du tout un film qui cherche à être édifiant. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas du tout une histoire qui est prise comme prétexte pour dresser une sorte de grand portrait de l'immigration où, à un moment donné, on aurait un personnage principal qui serait la victime d'un système mondial ou international. Il n'y a pas de bon... personnages et de mauvais personnages, de gens qui vont l'aider, de gens qui vont le rejeter. C'est ça que je trouve, moi, assez beau dans ce film, c'est que cette histoire n'est pas prise comme une sorte de prétexte pour illustrer un grand phénomène social. Ça reste toujours l'histoire de ce garçon-là. On reste toujours au plus près de lui. Et ça, pour moi, c'était vraiment ce qui m'a emporté en premier dans ce film. c'est-à-dire Ulysse. Et c'est marrant que tu rappelles ce prénom, Jean, parce que moi, j'avais vraiment complètement oublié qu'il s'appelle comme ça. Et oui, c'est ça, c'est un homme perdu loin de chez lui. Et je pense qu'en l'occurrence, cet Ulysse, il voudrait rentrer, alors que bon. L'Ulysse de cette grande épopée grecque ne voulait pas forcément rentrer. Enfin bon, on en discutera peut-être un jour dans un autre épisode, mais c'est vraiment un film sur ce personnage. C'est pas un film sur l'immigration, c'est pas un film Les Dossiers de l'écran, quoi. Et ça c'est un truc qui m'a moi beaucoup touché. Voilà. Ouais, et déjà, c'est un film qui nous parle pas du tout, mais alors pas du tout du voyage pour aller du Mexique aux USA. Hein, ça, c'est vraiment. Oui, on n'a pas le passage obligé de. Il se cache dans un train, il rampe dans la boue, voilà. Etc., etc. À la limite, la façon dont il a passé la frontière, on le voit qu'à la fin du film, en fait. Et c'est pas ça. Important. Et c'est pas des choses, comment dire, c'est pas des choses qu'on n'a pas envie de voir ou qui nous intéressent pas de voir. Mais disons que c'est des choses qu'on a déjà vues. Et là, le film nous montre autre chose. Et donc, du coup, ce film, moi, je trouve une des belles choses de ce film, c'est que, comme on a déjà vu ça beaucoup, mais ça fonctionne par un montage parallèle, en fait, entre les USA et le Mexique. Sa vie est au Mexique, sa vie est aux USA, donc voilà. Mais à la différence de beaucoup de films, je trouve que là, ce montage parallèle, il marche vraiment très, très, très bien. C'est hyper naturel. Et en fait... Moi, j'ai l'impression que souvent, quand on monte un film sur un montage parallèle, il y a toujours une partie qui nous intéresse plus que l'autre. C'est vrai. On a envie de revenir toujours à la partie qui nous intéresse. Oui, là, c'est rarement équilibré. Là, vraiment, c'est très, très, très équilibré, justement. Et moi, je trouvais ça aussi passionnant d'un côté que de l'autre. C'était vraiment... tout était très naturel. Et ça marche parce que... Enfin... Pour moi, ça marche et c'est équilibré justement parce que c'est un film sur la mélancolie, en fait. Ces images du Mexique, elles sont justifiées parce que le film s'attache à montrer à la fois ce qu'on emmène avec soi et ce qu'on ne peut pas emmener avec soi. C'est-à-dire que quand dans l'introduction, je disais que c'est un jeune garçon qui part avec pour seul bagage quelques notes de musique, c'est littéralement ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un déraciné, c'est quelqu'un qui a dû quitter sa famille, c'est quelqu'un qui a dû quitter ses amis, mais il a toujours cette chose qui l'emmène avec lui, qui est la musique, qui est la danse, qui est les souvenirs de ces moments où il a pu danser avec ses amis. Et donc chaque fois qu'on nous montre le Mexique, en fait, c'est pour nous montrer ce qui en lui perdure, ce qui en lui survit de ce pays, ce qui l'emmène avec lui. Et ce qui l'emmène avec lui, c'est cette musique, c'est cette danse. Et finalement, c'est ça qui va être sa béquille, en fait, quand il va arriver dans ce pays dont il ne parle pas la langue, dans lequel il ne connaît personne. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cet équilibre dont tu parles entre la partie mexicaine et la partie américaine. D'autant plus que, évidemment, il part aux États-Unis et aux États-Unis, il retrouve en fait un melting pot, en fait. Évidemment, toutes les cultures sont aux États-Unis, d'autant plus la culture mexicaine qui est à la frontière des États-Unis. Donc, en fait, vous avez des scènes où ils se retrouvent dans le métro. C'est pas forcément des Mexicains, mais il y a des gens qui passent de la musique avec leur grosse enceinte dans le métro. Lui, ce qui lui manque, en fait, c'est de danser, en fait, concrètement. C'est de danser la cumbia. Et il entend de la musique, il a envie de danser, et ça lui rappelle tout de suite ses origines. Et quand il va dans un... Quand il est emmené par il travaille, je crois, il est une sorte de maçon, enfin, il est dans le bâtiment en tout cas, il trouve un petit boulot comme ça. Et on l'emmène dans une sorte de strip club, en quelque sorte, à New York. C'est à New York, hein, je crois. Hein. Et donc, il va évidemment, c'est un hasard, mais il va tomber sur une femme qui est colombienne et qui va lui rappeler, ses origines. Il va faire écouter sa cumbia. Voilà, en fait. Sa cumbia, parce que pour elle, la cumbia, c'est vraiment. Elle va lui dire, mais c'est pas de la cumbia, voilà. Ton truc, c'est complètement ralenti. Qu'elle est ralentie, ouais. Voilà, ouais. Et c'est vrai que, ouais, moi, ça c'est aussi un truc qui m'a beaucoup intéressé dans ce film. Et ça a beau être un film mexicain, pour moi, ça, c'est aussi un grand film américain avec un grand A. Parce que pour moi, c'est vraiment un film qui saisit ce que c'est que l'Amérique, à savoir un melting pot de culture. On l'a dit, il va rencontrer cette Colombienne qui est arrivée là depuis longtemps, qui va l'aider, mais qui va pas l'aider jusqu'au bout parce que tout simplement elle va lui expliquer qu'il faut qu'il s'en sorte lui-même, mais en même temps elle va le prendre sous son aile quand il va en avoir besoin. Il va aussi rencontrer cette jeune fille coréenne qui elle est immigrée mais de la deuxième génération, donc qui elle parle la langue, qui elle est intégrée mais qui s'occupe de son grand-père qui lui est un immigré de la première génération, un coréen qui ne parle pas anglais. Donc, en fait, au travers de ce personnage et de ses rencontres, on voit cette Amérique du melting pot, on voit comment ce melting pot, il opère, comment ça se passe, selon qu'on soit de la première ou de la deuxième génération, selon qu'on soit là depuis une semaine ou depuis un an ou depuis une décennie. Et encore une fois, sans jamais que ce soit édifiant, hein, sans jamais que ce soit démonstratif ou explicatif, je trouve que ça montre bien comment, en fait, les États-Unis, c'est un pays de mélange, de mixité, qui se construit comme ça avec les gens qui arrivent et avec ce qu'ils apportent. Et bien que, voilà, nous en ayons terminé avec cette période Donald Trump de l'histoire des États-Unis, je pense que c'est bien aussi de voir un film qui nous montre tout ça aujourd'hui, en 2021. Ça fait du bien de se dire que voilà, l'Amérique, c'est aussi ça, et l'Amérique, ce n'est pas juste un mur entre elle et ses voisins. Voilà. Jean, pour toi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est triste ou c'est beau, ce film ? Moi, je le trouve pas spécialement triste, ce film. Je le trouve beau. Je le trouve beau et on parlait tout à l'heure justement de ce fait que le protagoniste a ralenti la musique en fait sur son MP3 en fait. Hein. C'est ça qui est génial en fait dans le film, c'est que évidemment on est au Mexique dans des quartiers pauvres, donc c'est aussi une des premières quêtes du film, c'est que les personnages cherchent à récolter de l'argent, quitte à racketter un peu les jeunes à la sortie pour du lycée pour pouvoir s'acheter leur pour musique. S'acheter un MP3 sur lequel il y a déjà des musiques enregistrées. Oui. C'est un autre monde pour nous. Nous, le MP3, c'était il y a 15 ans, quoi, quand on était au collège. Voilà. Et ça, c'est assez génial. Mais du coup, ce ralentissement de la musique, là, cette idée de ralentir la musique, moi, je trouve ça super beau parce que ça m'évoque. Je me dis, quand je vois le film, je me dis, déjà, le film a un rythme très lent qui prend son temps. Bon, il dure 1h45, mais il prend clairement son temps. Il prend son temps et en même temps, faut pas faire peur aux gens. Hein. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, quand on dit que c'est très lent, ça veut pas dire que c'est chiant. Hein. Ouais. Mais moi, ça me rappelle aussi, je pars peut-être un peu trop loin, mais moi, j'ai l'image de ces musiques de fin de soirée, cette fameuse dernière musique là qui vous dit, vous sentez dans le ton de la musique que c'est la fin de la soirée et que les lumières se rallument, etc. Oui. Et pour eux, pour ces personnages, c'est un peu, j'ai l'impression, la fin. Enfin voilà, ils ralentissent la musique pour échapper un peu à la fin pour de leur à la fin de leur jeunesse, quoi, en fait. Ouais. Parce que là, avant qu'ils émigrent aux États-Unis, en fait, tout va bien pour eux, il n'y a pas eu de problème. Mais on sent quand même que l'âge adulte n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il commence à devoir travailler pour le cartel. Il a 17 ans et donc ils sont à l'adolescence, vraiment à ce moment charnière entre l'enfance et l'âge adulte. Donc pour toi, c'est plus beau que triste. Pour moi, je dirais que c'est à la fois beau et triste. Et je me suis dit que peut-être, étant donné que ça fait déjà 53 minutes qu'on vous parle, vous pouviez peut-être juger tout simplement en écoutant avec nous un peu de cumbia. Ça te dit, Jean ? Juste avant d'écouter la cumbia, on peut peut-être juste parler au moins de la coiffure de ce jeune homme. Ah, qui oui, magnifique. Assez incroyable. Voilà. Magnifique. Moi, je suis très, très jaloux, étant déjà en processus de calvitie avancée. Ouais. C'est vraiment. Regardez juste l'affiche du film, vous allez comprendre. C'est vraiment. Ouais. C'est un style. Voilà. Qui, a priori, s'accorde à la cumbia ou si je ne sais pas. Si vous êtes coiffeur, mais... voyez ce film. Voilà. Et maintenant, petite pause musicale. Thank you. Et donc voilà, c'était un petit peu de cumbia. Et si vous en voulez plus, vous pouvez donc regarder « Ya no estoy aquí » de Fernando Frías. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Où ça, Jean ? Sur Netflix. Évidemment. Ensuite, parlons d'amour, mon cher Jean, puisque nous nous aimons tant. Parlons d'une série que, pour une fois, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Tout à fait. Voilà, une série en 12 épisodes de 30 minutes qui s'intitule... Normal People. Une série de Lenny Abrahamson et Hattie MacDonald. Alors, moi, je ne connaissais pas, à ma grande honte, ni Lenny Abrahamson, ni Hattie MacDonald, mais je crois que toi, tu peux nous parler un petit peu de qui est Lenny Abrahamson. Ouais, je connais pas Hattie MacDonald, mais Lenny Abrahamson, voilà, c'est un réalisateur irlandais, la série est irlandaise également, qui nous a réalisé un film qui a fait un peu parler, qui s'appelait Room. Avec Brie Larson. Ah bah en fait oui, voilà. Je connais Lenny Abrahamson. Oui. Mais voilà, si vous êtes... Qui avait valu un Oscar à Brie Larson d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aussi aller chercher un de ses premiers films qui s'appelle What Richard Did, qui est un teen movie assez étonnant et assez génial. Ok. Et donc c'est quoi le pitch de Normal People ? C'est simple, c'est tout simple. Mais je te laisse le faire. Bah alors, en trois mots, boy meets girl, voilà. Ouais, boy meets girl, comme Hitchcock disait. Ouais, mais alors, boy meets girl, mais ça n'est pas une série de garçons. C'est-à-dire que ça n'est pas un boy meets girl dans le sens où ça n'est pas du point de vue du garçon. C'est girl meets boy, boy meets girl. Voilà, ça marche dans les deux sens, on est du point de vue des deux. Mais alors, bon... Vous allez nous dire, boy meets girl, girl meets boy, on a vu ça déjà plein de fois, mais alors, bah, en quoi ça renouvelle ce genre de la rencontre amoureuse Bah, pour moi ça vient rebattre les cartes parce que, je le disais dans mon introduction, on va vous parler du temps de l'amour, pour paraphraser Françoise Hardy. Et vraiment, cette série, c'est ça. 12 fois 30 minutes, en regardant Normal People, on se rend compte que c'est un format qui permet de montrer les choses de manière complètement différente. Ça fait 6 heures. Voilà, ça fait 6 heures, mais ça fait surtout 12 tranches de 30 minutes, en fait. Et ce format, pour moi, Lenny Abrahamson et Hattie MacDonald, ils arrivent à en tirer vraiment le maximum parce que du coup, ils arrivent à construire un rapport au temps qui est beaucoup plus, riche que celui que nous permet un film qui va durer 1h30 ou 2h30. C'est-à-dire que quand je parle du temps de l'amour, c'est-à-dire que l'amour, ça n'est pas que la rencontre, ce qu'on vit avec la personne et comment ça va finir. L'amour, c'est aussi souvent le temps de l'absence, c'est aussi souvent le temps de la blessure, c'est aussi le temps qu'il faut pour cicatriser de ces blessures. Et ça, c'est des choses qu'on voit finalement assez peu dans les films. C'est temps où on est entre deux, entre le moment où on s'est rencontré et le moment où on va se retrouver. Et Normal People montre tous ces moments-là, montre les moments d'absence, les moments sans l'autre, les moments où on attend l'autre, les moments où on espère l'autre, les moments où on espère le retour de l'autre, les moments où on va cicatriser des blessures de l'autre. Et pour ça, moi, j'ai été vraiment emporté par cette série, par ça, parce que j'ai eu l'impression de voir à l'écran des choses de ce qu'on vit en amour que d'habitude, par économie, je pense, on fait passer à la trappe. Et là, on prend le temps de les montrer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau et très, très puissant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Jean. Ouais, non, mais complètement. Mais là, on est surtout dans les moments... entre plus que dans les moments pendant. Et comme dans la vie, en fait. Mais tout à fait. Mais là, en fait, on est à une époque où la série a pris une ampleur assez impressionnante, quoi. Et on est en train de se dire... Enfin, moi, personnellement, je me dis... mais quand je vois une histoire d'amour racontée sur 6 heures, comme ça, Je me dis, mais comment c'est possible que avant les séries, j'ai regardé autant de films qui racontent des histoires d'amour, et comment j'ai pu rentrer dans une histoire d'amour qui dure 1h30, 2h grand maximum, en fait. En fait, je pense que cette série, elle vient pas invalider le format long métrage pour raconter une histoire d'amour. C'est juste qu'elle nous ouvre les yeux sur une autre manière de raconter. Et c'est en ça qu'elle est forte et nécessaire, et qu'on est content de l'avoir découverte. Oui, ça vaut pas les feux de l'amour non plus, non, mais c'est une blague, mais les feux de l'amour, voilà, on se dit, les feux de l'amour, ça fait 40 ans, 50 ans que ça dure, mais en peut-être soi, c'est le format, ce serait le format parfait. S'il y avait une série comme les feux de l'amour de la qualité de Normal People, ce serait un truc incroyable. Enfin, serait dur en même temps. Pensez à vos séries, là, TF1, dur. M6, qui sont quotidiennes, qui ont 3 ans et qui sont déjà à 1000 épisodes. Si vraiment on était dans la qualité, dans ces séries-là, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable, et c'est peut-être ce qui nous attend dans un futur proche. Et alors, Jean, pour toi, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que Normal People, c'est un néo-mélo ? Ça dépend ce que tu entends par néo-mélo. Là, c'est mon côté faqueux qui va ressortir, mais le mélodrame, c'est quoi ? Le mélodrame, c'est un film dans lequel on va nous montrer une histoire d'amour qui va être... empêché par la société, le poids de ses normes, le poids de ses codes, le poids de tout ce qu'elle fait peser sur nous. Et en fait, je te pose cette question parce que pour moi, Normal People, ça n'est pas juste une grande série sur l'amour, mais c'est aussi une grande série sur le social en amour et sur les rapports entre le social et l'amour dans la vie. En fait. Oui, mais il faudrait peut-être que tu nous parles d'où viennent ces personnages. Qui sont-ils ? Ben oui. Alors, donc ces personnages dont j'ai complètement oublié les prénoms, je ne sais pas si... Pareil, j'ai pas retenu leurs prénoms. On l'a dit, c'est Boy Meets Girl et ouais. C'est Girl Meets Boy, c'est en fait. Boy donc, et Girl qui voilà. Se rencontrent. Et donc, Boy est le fils de la femme de ménage de la mère de Girl. Voilà. Donc déjà, ça nous pose un point de départ. Et à partir de là, on pourrait se dire, bon, ça va être l'histoire d'un amour impossible de deux personnes séparées parce qu'elles ne sont pas du même milieu social. Mais, Normal People, ça va beaucoup plus loin parce que ça va beaucoup plus longtemps. Et en fait, on va se rendre compte que ce genre de barrière, elle peut sauter, mais qu'en même temps, on trimballe toujours avec soi le milieu d'où on vient, mais aussi que aimer quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça peut permettre de faire sauter certaines de ces barrières, et ça peut changer la vie. Et je vois que tu me fais déjà les gros yeux parce que tu sais que je vais parler de Jacques Lacan et t'es pas forcément fan de Jacques Lacan. Et il n'y a pas besoin d'être fan de Jacques Lacan. Juste, je ne connais pas beaucoup. Voilà. Mais en gros, Lacan avait cette phrase qui disait l'amour, c'est donner à quelqu'un l'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Et pour moi, Normal People, c'est une série qui montre très bien ça, en fait, qui montre comment l'amour, ça peut être, comment dire, un endroit de masque, un endroit où on va tenter en permanence de se conformer à l'image qu'on pense que l'autre peut avoir de nous, alors que, en fait, tout ça peut se dérouler dans nos têtes. Et je trouve que ça va très loin là-dedans parce que ça montre, en fait, comment vivre une histoire d'amour et comment être dans ce rapport-là à l'autre, ça peut nous pousser à changer et ça peut changer nos vies. Parce que, voilà, ce fils de femme de ménage, parce qu'il aime cette fille, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir dans une carrière dans les lettres. Il va se mettre à étudier les lettres à la fac, mais parce que c'est elle qui lui dit. Et au final, il va se retrouver déraciné de son milieu. Et c'est ça, en fait. Normal People, ça nous montre que l'amour et le social, ce sont deux choses de la vie qu'on croirait de prime abord complètement séparées, mais qui, en fait, ne le sont pas du tout. L'amour, les gens qu'on aime, peuvent impulser des directions à nos vies, peuvent nous faire prendre des embranchements, peuvent nous faire faire des choix de vie qui vont changer nos vies et qui vont changer notre place dans la société, et que tout ça, au fond, est lié. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que souvent, quand on regarde des histoires d'amour au cinéma ou à la télévision, on a l'impression qu'il y a d'un côté l'amour et de l'autre côté la vie dans la société. Et qu'au final, ces choses-là sont très séparées. Et ce que Normal People montre pour moi, c'est que ces choses sont intimement liées. C'est qu'en fait, rencontrer quelqu'un, ça peut changer toute notre vie. Pas juste changer ce qu'on ressent dans son cœur et pas juste changer les émotions. Ça peut transformer notre personne, et notre personne intime et notre personne sociale. Du coup, tu parles du social et moi, enfin, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup, mais il faut dire que la série est adaptée d'un livre, hein, d'un roman de Sally Rooney. Ah, je savais pas. Une auteure irlandaise, du coup. C'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui a été classé dans les meilleurs livres du 20e siècle, je crois. Fin 20e siècle, hein, je crois. C'est un livre pour ados, genre young adult? Je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un livre qui, pour l'instant, et à mon avis, ça ne saurait tarder, mais qui n'a pas été traduit en français. Est-ce qu'il a été intégralement adapté dans la série? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, enfin, je l'ai senti. C'est pas les films que je préfère, mais c'est clairement un. J'ai l'impression que c'est une série qui renvoie à pas mal de classiques de la littérature anglaise. Et d'ailleurs, ce personnage féminin de la série est plutôt Marianne. Marianne, voilà. Ouais. Elle aime lire, j'imagine les sœurs Brontë, ce genre de récits. Ouais, voilà. Ouais, Jane Austen, tout ça. On est clairement là-dedans, hein, mais c'est une version moderne en fait de tous ces récits ultra connus, oui. Ultra classiques. En un sens, oui. Bah oui, par rapport au côté social, voilà, on est chez un mec qui est fils de femme de ménage, qui vit juste avec sa mère, et elle qui est fille de bourgeois, bourgeoisie. Et c'est fait tellement finement que, maintenant que tu le dis, je le vois, mais qu'en regardant, j'y ai pas pensé. C'est-à-dire ouais. Voilà, c'est pas... Je pense que, maintenant que tu le dis, je pense que c'est voulu. Je pense que c'est clairement quelque chose qui a été pensé. Mais en même temps, quand on vous parle de ce que cette série peut dire sur ce que l'amour a de social et sur en quoi ça peut faire penser à toute cette tradition anglaise en littérature, ça n'est pas lourd. En fait, on peut y penser comme on peut ne pas y penser, et ça ne nous empêche pas de passer à côté de cette histoire. Mais qu'est-ce qui Bah, d'autant plus que moi, je suis pas du tout amateur de ce genre d'histoire classique, de films en costume, un peu d'époque, et j'ai clairement, je suis totalement rentré dans cette série, quoi. Enfin, j'étais vraiment à fond dans cette histoire d'amour, j'ai trouvé ça fabuleux et vraiment très beau, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus accroché? Est-ce que ce serait pas les acteurs? Bah ouais, clairement, si on devait parler d'une chose là, c'est ces acteurs qui ont été choisis là, cette jeune fille, Daisy Edgar Jones, ouais, et Paul Mescal. Et Paul Mescal, ouais. Alors en fait, j'ai recherché un peu hein, sur internet, Daisy Edgar Jones, voilà. Alors faut dire un truc. Pour commencer, je pense, c'est que Daisy Edgar Jones rappelle fortement une actrice. Plutôt populaire, plutôt très connue. Ah oui. Voilà, du cinéma que vous connaissez tous, qui s'appelle Anne Hathaway. Anne Hathaway. Et vraiment, enfin, si vous allez sur Internet et que vous regardez des gens qui parlent de cette série, vous allez tous voir la même chose. Ah, mais il suffit de taper Daisy Edgar Jones dans Google Images pour se rendre compte que... C'est le visage, mais c'est aussi toutes les mimiques, les petits gestes, les choses comme ça, vraiment... Même si moi, je dirais qu'elle est peut-être plus fine que Anne Hathaway. Enfin, pas plus fine, mais moins... Moins mécanique. Plus fine dans son jeu, tu veux dire? Oui. Bah oui, on n'est pas là pour parler du physique des acteurs, même si on pourrait parler du physique de Paul Mescal. Mais oui, elle rappelle étrangement Anata Wei. Mais moi, ce qui m'a marqué vraiment dans cette série, au final, c'est plus l'acteur, en fait. Et lui, si elle a fait quelques projets avant, dont une nouvelle adaptation de La Guerre des Mondes, que vous avez peut-être pu voir. Oui, je l'ai vu. Et oui, c'était pas... Voilà, jouer une aveugle. Voilà. Ouais. Bref. L'acteur, lui, pour le coup, sort de nulle part. C'est son premier rôle. Voilà. Et moi, j'ai été vraiment impressionné par ce mec qui dégage vraiment des choses assez hallucinantes avec juste son visage. On parle pas de dialogue là, on parle vraiment du rictus du visage, de tout oui, ça. Oui, parce que c'est une série, parce qu'il faut le dire aussi, c'est une série où, comment dire, beaucoup de choses passent par la manière dont elles sont filmées. C'est pas juste des tirades larmoyantes. C'est-à-dire que aux manettes, il y a quelqu'un qui sait filmer les choses, qui sait où mettre sa caméra, qui sait comment nous montrer des choses sans faire parler ses personnages. C'est bête à dire, ça paraît très basique comme ça de faire l'éloge de ça, mais voilà, on est quand même toujours content quand on tombe sur un metteur en scène, et cette série, elle est bien mise en scène. Je me rappelle notamment que tu me parlais, Jean, d'une séquence à un moment donné où c'est très bête, on a une sorte de travelling arrière comme ça, devant les deux personnages qui avancent, qui ne se disent rien, mais qui se retrouvent dans la maison de l'un ou de l'autre, et on sait qu'ils vont faire l'amour, et il y a une sorte de gêne, et une sorte d'attente, et bref, il y a plein de choses qui passent à ce moment-là, et ça passe comment ? Ça passe sur les visages, parce que c'est bien filmé, et parce que c'est deux acteurs qui sont magnifiques. Ouais. Parce qu'il y a un plan, en fait, tout simple. C'est vraiment le truc le plus simple du monde. C'est un travelling arrière. On suit l'actrice qui marche face à nous. L'acteur est derrière elle. Et en fait, on sent quelque chose sur son visage. Il se passe quelque chose. Voit quelque chose que lui ne voit pas, voilà, sur son visage. Oui, c'est à ça. Elle. Puisqu'il est derrière elle. Et c'est là que c'est on fort. Voit, et, ouais. Et en fait, on se dit, c'est tout simple. Mais en fait, moi, je me rends compte, ça m'a marqué, ce plan et tout. Et je me suis dit, mais en fait, il doit manquer quand même pas mal de mise en scène dans beaucoup de séries pour que, en voyant ça, je me dise, mais c'est incroyable quand même. Enfin, vraiment, oui. On en vient à trouver ça incroyable. Alors on que se dit c'est que finalement, c'est la base de la grammaire cinématographique. Vraiment. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est Lenny Abramson qui mettait en scène les six premiers épisodes. Donc c'est probablement lui qui a donné ça. Mais après, toute la série est à ce niveau-là. Oui. Vraiment, tout passe dans les visages, dans des expressions de visage, dans des décalages de visage. Enfin, vraiment, juste un acteur, en fait, une actrice ou un acteur qui bouge la tête d'une façon, d'un côté, de l'autre. La caméra est d'un côté ou de l'autre. Et ça en dit beaucoup. Et on n'est pas dans les dialogues, voilà. C'est vraiment une série qui est économe sur le dialogue. Enfin, il y a du dialogue, évidemment, mais on est vraiment dans... Beaucoup de choses passent par les visages, par les mouvements de corps, et c'est juste magnifique. Ouais. Et est-ce que ça finit bien ? Ça, je ne sais pas. On ne va pas spoiler la fin de la série. On vous laisse le plaisir de la découvrir si vous ne l'avez pas encore vue. Et voilà, c'est un gros coup de cœur de l'année, vraiment, clairement. Moi, j'ai découvert tardivement et je regrette aucunement de l'avoir découverte grâce à Clément. Merci, Jean. Et où est-ce qu'on peut découvrir Normal People ? Alors, on peut découvrir Normal People sur... Starzplay, ouais, je sais ce que vous vous dites c'est quoi ce truc. Alors Starzplay, c'est comme Netflix, comme Amazon, hein, c'est une plateforme de streaming. Bon, ça coûte 5€ par mois, mais vous avez un essai gratuit, et franchement, une fois que vous aurez regardé un épisode de Normal People, vous voudrez regarder les 11 autres. Donc faites-vous l'essai gratuit, mettez-vous un week-end quand vous avez envie d'amour, quand vous avez envie de beauté, quand vous avez envie de tristesse, quand vous avez envie de voir quelque chose qui vous rappellera la vie, et lancez-vous. Voilà. Ah, et on me dit dans l'oreillette que Normal People, vous pouvez également le voir en fait sur Canal, sur MyCanal, l'offre de Canal en ligne. Donc voilà, Normal People sur Starzplay et sur Canal. Merci l'oreillette. Mais peut-être que... On pourrait repartir sur du long métrage pour terminer. Ouais. Ouais. Et alors, sur quoi ? On part sur quoi ? Ben, on va partir sur, je pense, sans demander à Clément, un film qui est probablement notre grand coup de cœur de l'année 2020. Ah oui, ouais. Bah, ce joyau brut. Ce joyau brut. Dont on vous parlait. James. Uncut James, voilà. De Josh et Benny Safdie. Alors, je vais te laisser parler des frères Safdie parce que je pense que tu les connais beaucoup mieux que moi. Enfin, je ne dis pas que ce sont tes amis, hein, mais je pense que tu en parleras mieux que moi. Donc, alors, qui sont les frères Safdie ? Ouais. Bah, sans prétention, moi, j'ai eu la chance de découvrir les frères Safdie à leur début, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans les années, enfin, à peu près en 2010, je crois, je me suis intéressé... Mais quel âge as-tu, Jean ? 29 ans, j'ai précisé au début. Je me suis intéressé énormément à un genre qui s'appelait le mumblecore. Et le mumblecore, c'est un genre qui nous vient, un mouvement cinématographique en fait, qui nous vient des États-Unis. Et voilà, en fait, c'est des films, on pourrait dire, fauchés. Ah oui, complètement. Qui sont faits vraiment avec, avec rien. Trois francs-six sous. En fait, avec une caméra et une caméra numérique, voilà. les caméras numériques de l'époque. Un son souvent pas terrible. Est-ce qu'on peut appeler ça une sorte de nouvelle vague américaine des années 2000 ? Ouais, c'est en quelque sorte ça. Parce que c'est des gens qui ont embrassé des outils techniques qui venaient d'apparaître. Voilà, ces caméras qui étaient quand même suffisamment propres pour faire des films et pas chères, et puis qui ont fait des films, quoi. Bah, la grosse différence avec ce qui se faisait dans le monde, en fait, c'est qu'ils se sont dit, tout le monde fait des courts-métrages, et moi, je vais faire des longs-métrages, en fait. C'est vrai, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas plus compliqué. Avec sans budget, vous prenez une caméra. Aujourd'hui, vous prenez votre iPhone, vous faites un long-métrage, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire un long-métrage. Avec Tangerine. Hein. Voilà. Et donc, du coup, les frères Safdie, c'est surtout Josh Safdie hein, qui a mis le pied à l'étrier en premier, hein, qui a fait... Enfin, si vous regardez la filmo de ces frères-là, vous allez voir que certains films sont réalisés par Josh Safdie et après la suite, réalisés par les deux. Un peu comme les frères Cohen d'ailleurs, Joel Cohen qui était mis en avant pendant longtemps, alors que je pense qu'ils filmaient... Enfin, je pense qu'ils étaient... Ils étaient tous les deux réalisateurs, mais en tout cas, c'est un peu similaire. Mais du coup, Josh Safdie, il a fait un premier film qui s'appelait The Pleasure of Being Robbed, qui est un film incroyable, vraiment. Enfin, est-ce que c'est Daddy Long Legs ? Non, c'est film qui a plusieurs titres ? Non, c'est avant ce film-là. Moi, c'est un film qui m'a profondément marqué. J'ai trouvé ça vraiment incroyable, parce que dans le mumblecore, il faut savoir que... Au final, il y a quand même beaucoup de films qui sont pas terribles, vraiment, Bon, vraiment des films pas très intéressants. Vous allez avoir, je pense, dans ce mouvement, il y a peut-être une 50 films, peut-être presque une centaine de films qui ont existé. C'est un mouvement qui est mort, hein, qui n'existe plus, hein, mais concrètement. Mais en tout cas, dans ces films-là, les frères Safdie, moi, ça fait partie des seuls cinéastes où j'ai senti vraiment une envie de faire du cinéma, de vraies idées de mise en scène, vraiment quelque chose d'abouti, quoi. Et il faut savoir que The Pleasure of Being Robbed, c'est le premier film de Josh Safdie, du coup. C'est un film qui a quand même été projeté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Oui. Donc, en 2008. Et ensuite, si on suit la carrière de ces mecs-là, bon, ils ont fait quelques films entre-temps, très peu, mais ils se sont retrouvés en compétition officielle à Cannes, c'est-à-dire pour la Palme d'Or, hein, concrètement. Avec Good Time ? Avec Good Time en 2017. Ah ouais. Donc voilà, c'est un beau parcours, quoi. Et ensuite, donc, ils ont fait ce film dont on va vous parler, Uncut qui s'appelle James. Uncut James, qui, bon... personnellement, c'est un peu triste pour moi de l'avoir vu sur Netflix, sur mon petit écran chez moi. J'aurais vraiment aimé le voir au cinéma parce que clairement, quand on découvre le film... Il aurait fallu qu'on soit aux États-Unis à ce moment-là, ouais. Parce qu'il est sorti en salle aux États-Unis, mais malheureusement, partout ailleurs dans le monde, il est sorti sur Netflix. Et donc Uncut James, pour y venir enfin, c'est quoi ? Ça raconte quoi ? Et puis, bah, c'est avec qui, hein, parce que ça compte quand même. Allez, je m'y colle. Donc Uncut Gems, c'est quoi ? C'est alors l'histoire d'un type, qui vend des bijoux, qui vend des pierres précieuses, qui travaille dans un district de New York très connu pour ça, qui existe vraiment, hein, un district de vendeurs de bijoux, de diamantaires, voilà, où il y a une sorte d'activité bouillonnante. Et donc c'est l'histoire de ce type qui... au début du film, reçoit, après des mois et des mois d'impatience, des pierres qu'il a fait venir d'Éthiopie, qui sont censées faire sa fortune, et qui au final, vont peut-être le mener à sa perte, en fait. Je pense que rien qu'en disant ça, on a peut-être tout dit. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors... Il est joué par qui, ce personnage ? Ouais, il est joué par Adam Sandler, qui est un acteur que vous connaissez probablement, qui est connu pour une sorte de série de comédie américaine que certains qualifieront de potache, mais que je trouve essentielle dans le cinéma américain. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas la différence entre une comédie d'Adam Sandler et un drame avec Adam Sandler, hein, parce qu'il est évidemment connu... Mais c'est le propre, en fait, de tous les acteurs comiques, hein, en fait, que ça soit en France, on pense à Coluche qui a fait... Oui, chaque fois qu'ils vont faire un drame, on va parler de contre-emploi. C'est ça. Et on pense à Jim Carrey qui fait le nombre 23, Man on the Moon, voilà. Adam Sandler, il a fait Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, qui était dans un registre dramatique. Et maintenant, il fait Uncut Gems, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas étonnant du tout, mais en tout cas, ça tranche avec son image habituelle de grand guignol. Ça tranche avec son image habituelle, mais pour moi, ça a autant de valeur de voir un Billy Madison ou un Waterboy que de voir Uncut Gems, en fait. Pour moi, c'est de la même qualité, en fait. J'aurais aimé que ce mec soit reconnu pour ses comédies autant qu'il l'a été pour ses drames, quoi. Moi, ce qui m'a marqué avec ce film, c'est que c'est un film de son temps. C'est vraiment, pour moi, un film qui montre de manière tellement juste cette manière qu'on a de vivre aujourd'hui, accroché à nos écrans, en permanence, sollicité par ces pics de dopamine que vont nous envoyer des notifications, obnubilés par ces petites lumières qui font qu'on va être des mouches, qui vont aller à droite, à gauche, cette sorte d'hystérie permanente dans laquelle on vit, cette sorte de fuite en avant dans laquelle on est tout le temps à courir après des choses qui brillent. Enfin, pour moi, c'est un film qui parle de notre rapport addictif à la vie, de cette manière qu'on a de plus être en connexion avec personne, tellement on court après des choses, après des mirages. Enfin, je veux dire, le personnage d'Adam Sandler dans ce film, quand même, c'est quelqu'un qui a toujours les yeux rivés, soit sur une pierre précieuse, soit sur un écran, soit sur un écran de téléphone, soit sur un écran de télévision. Et pour moi, c'est un grand portrait d'addict. Mais pour moi, on est tous cet addict qu'il est, Adam Sandler, dans ce film. Pour moi, voilà, on est tous ces personnes qui, à force de répondre à l'injonction du ding-ding de notre téléphone, savons plus où donner de la tête et au final passons à côté de la vie qui est en face de nous parce que on passe notre temps à répondre à des stimulus, à des stimuli qui nous excitent le cerveau en permanence et Pour au final aller vers quoi ? Pour au final aller vers rien. Enfin, c'est-à-dire que moi, c'est un grand film, Uncut Gems, c'est un grand film existentiel, quoi. Il y a qu'à regarder cette fin. Enfin, je vais pas spoiler ce qui se passe à la fin, mais cette fin, c'est quoi ? C'est le retour à l'univers, le retour à une échelle très large. C'est un plan qui nous dit, voilà, tu n'es que poussière et tu redeviendras poussière. Et pour moi, ce film des frères Safdie, c'est un film qui nous met en face de nous-mêmes, qui nous tend un miroir sur nos vies connectées et qui nous dit, voilà, prends du recul sur tout ça, parce que tout ça, au final, ça n'est rien. Ouais. Et en même temps, ce mec-là, qui nous est présenté au tout début du film, on a l'impression que ce mec, il est en contrôle, en fait, de sa vie. Sauf qu'on comprend très rapidement que c'est pas du tout le cas, en fait. Oui, parce que il jongle de manière très virtuose entre une femme, une maîtresse, un client, deux clients, les gens qui lui doivent de l'argent, les gens à qui il va prendre de l'argent. Et on a l'impression que c'est un équilibriste de génie. Et en fait, on se rend compte que le fil sur lequel il marche, il est très, très fragile. Bah oui, il est, en fait, on comprend très rapidement que ce mec ne maîtrise rien. Il est tout le temps au téléphone, machin. Il a l'air comme ça d'une sorte de businessman, hein, qui vraiment gère sa vie. Il est tout le temps occupé, tout le temps l'oreillette à l'oreille. Et en fait, on comprend très rapidement qu'en fait, il a plein de dettes, qui vend les objets que ses clients lui amènent, qu'il est pawn, je sais pas en français. Il les met en gage, voilà. Et du coup, il est absolument pas en contrôle. Et puis surtout, il est pas dans le temps présent, en fait. C'est quelqu'un qui vit toujours dans le coup d'après, qui se rend pas futur, compte de ce qu'il a en face de lui. Enfin, il y a un moment donné, parce que voilà, donc on l'a dit, je crois, il a une femme et une maîtresse. Enfin bref, il jongle entre les deux, et c'est vraiment en fait quelqu'un qui, à force de mener sa vie de cette manière-là, se retrouve complètement à côté de la plaque, parce qu'à un moment donné, il se retrouve en face de sa femme et il essaye de reconnecter avec elle, et il est tellement en décalage total avec la réalité de cette situation, c'est-à-dire que lui, il croit qu'il est en train de la reconquérir, et elle a une sorte de moment d'arrêt comme ça, et elle le regarde et elle lui éclate de rire à la figure, et elle lui dit, mais je crois que t'es la personne la plus ridicule que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Mais lui ne se rend même pas compte qu'il est ridicule à ce point-là, mais parce que il n'est plus en contact avec le réel. Il est tellement toujours dans le coup d'après. Il est tellement toujours dans ce qu'il croit qu'il va pouvoir faire, qu'il ne se rend même pas compte de ce qui est plus possible, parce que juste il est dans une merde noire. Il se rend même plus compte de ce que la réalité de cette situation elle est, quoi. Ouais. Et il met en jeu sa vie, en fait, sur cette opale là qu'il a ramené d'Éthiopie, et qui, pour lui, c'est un peu l'opale, c'est ce sauveur, en fait, qui va potentiellement le sortir de cette merde, en fait, de toutes ces dettes et tout. Cette opale, il pense la vendre, il pense qu'elle a une valeur $1 million, et finalement pas du tout. Et lui, il a une dette de peut-être $100,000, mais voilà, pour lui, c'est. Et encore, en fait, je pense qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg, parce que je pense que ce mec, en fait, est dans une merde noire qu'on n'imagine même pas. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui vit dans un rêve, en fait. Non mais ouais, mais moi aussi, enfin, on parle là de l'intrigue du film. Moi, au-delà de ça, ce qui m'intéresse énormément chez les frères Safdi, c'est leur talent de mise en scène, en fait. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, en fait, ils s'intéressent. Si vous allez chercher sur Internet un peu les films qui intéressent les frères Safdi, vous allez être assez étonné. C'est-à-dire que sur un site qui s'appelle le Cinéma Club, vous allez pouvoir retrouver les 5 films qui ont influencé un peu leur œuvre, en tout cas des films qui les ont marqués. Ça sera probablement des films que vous n'avez pas vus et qui sont pourtant américains, new-yorkais, etc. Il y a quoi dans ces films ? Je me souviens plus exactement, mais il y a un film qui s'appelle Short Eyes, qui est une sorte de film de prison assez particulier, assez étonnant, enfin qui sort du cliché du film de prison, hein, clairement. Mais en tout cas, c'est des mecs qui clairement sont des gros cinéphiles. Bah, la preuve, enfin voilà, on parle de New York, ils sont produits par, on n'a pas précisé, mais ils sont produits par Scorsese quand même sur ce film. Donc voilà, Scorsese, le cinéaste new-yorkais par excellence. Clément parlait de After Hours tout à l'heure, la façon de filmer New York. Voilà, clairement, ils sont influencés par Scorsese et par plein d'autres cinéastes, hein, qui ont filmé New York. Hein. Je pense que Woody Allen, ça leur parle. Mais surtout, je pense que John Cassavetes, c'est une des influences premières de ces mecs-là. Avec des hommes brisés un peu, ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, le Mumblecore, à une époque, avant de s'appeler Mumblecore, certains l'avaient appelé le Slackavet. C'est-à-dire, c'était un mélange de Slack, le premier film de Richard Linklater, ouais, qui est Slack. En fait, Slacker veut dire, en gros, grosse feignasse, quoi. Enfin, gros feignant qui... Ah, je savais pas. Et Cassavetes, voilà, le style de Cassavetes que vous connaissez probablement. Très dans l'impro, hein, on prépare pas trop le tournage à l'avance, les dialogues sont improvisés, on est dans une sorte de free jazz du cinéma, quoi. Ouais. Et donc en fait moi j'aime beaucoup la façon dont c'est filmé, c'est à la fois filmé simplement mais en même temps voilà, en fait il y a des plans dans lesquels je me reconnais, c'est-à-dire que j'ai vu chez d'autres cinéastes que j'aime, c'est en fait cette façon de filmer. Il y a beaucoup de citations tu trouves dans le cinéma des Frères Salvi? Bah, moi, je sais que tu connais plus le cinéma américain que moi, donc pas tu, forcément, tu vois peut-être plus. Pas forcément. Je saurais même pas dire quel cinéaste de chez qui ça vient à la base cette idée, mais moi, il y a un style de plan que j'aime beaucoup. Ouais. C'est tout simple. Hein. C'est un personnage marche dans la rue et au lieu de le filmer de face comme ça, la caméra qui recule, qui le filme, on le filme soit du trottoir opposé, donc au loin. Soit on le filme vu du dessus, quoi, d'une fenêtre d'un immeuble en face, en fait, et c'est tout bête, et ça rappelle beaucoup un film qu'on aime beaucoup avec Clément. On va parler dans un prochain épisode. On en parlera, mais qui s'appelle Margaret. De Kenneth Lonergan, voilà. Ouais. Et c'est vraiment. Anna Paquin. C'est une façon de filmer, en fait, juste qui sort du lot. Hein, en fait, on voit pas ça souvent, et en même temps, quand on le voit, on le remarque. De montrer le personnage dans la ville. Ouais, c'est ça. C'est de vraiment, montrer la ville et le personnage. Et c'est très, pour moi, c'est très important et c'est très juste dans le sens où cette folie, c'est la folie de la ville. Enfin, tu parlais d'After Hours. Je me rappelais plus d'en avoir parlé un peu plus tôt à propos de How to With John Wilson. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est que on est vraiment dans cette tradition des cinéastes qui savent saisir ce qu'il y a de fou dans la vie urbaine. On va pas se mentir, c'est aussi une façon... Enfin, tout ce style de mise en scène, en fait, il est complètement relié à la méthode, en fait, c'est-à-dire que on veut quelque chose de réaliste, de réel, et donc filmer de l'autre côté du trottoir ou d'un bâtiment, d'une fenêtre en face, vidéo, c'est une façon tout simplement de d'évacuer ce côté j'ai une caméra en pleine rue devant un acteur, donc du coup tous les figurants, j'ai mes figurants tout autour, tous les gens qui passent, oui, dans la rue à ce moment-là sont au courant qu'il y a un tournage. Ce qu'on là, a pas y a dit pas avec, de tournage, ce qu'on n'a pas dit avec Uncut Gems, c'est que beaucoup d'acteurs qui jouent des petits rôles dans ce film sont en fait des gens qui travaillent vraiment dans ce milieu-là, dans ce quartier-là. C'est-à-dire que ce film a aussi une certaine portée documentaire. Non, mais complètement. C'est les frères Safdie, ils cherchent à capter le. Enfin, là, ils ont Adam Sandler, donc c'est un mec connu. Ils se font dans la masse parce qu'en plus il est un peu grimé, il a ses lunettes de soleil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le reconnaîtraient pas. Et il y a un moment, il y a une scène où il se fait jeter dans une fontaine une petite place là. Moi j'ai repéré dans le plan au fond des gens qui regardaient en mode il y a un tournage et tout. Mais oui. Mais c'est très léger, ça se voit pas. Mais je pense que vraiment c'était ça l'idée du film. C'est toujours mieux de voir ça que de voir un assistant réalisateur derrière son combo qui a fait passer ses figurants. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce film, il déborde de la vie new-yorkaise. Il montre ce que c'est que l'ébullition new-yorkaise. Et ça, c'est bien, quoi. Mais ouais, non, mais c'est vraiment très louable. C'est très beau. C'est-à-dire que les frères Safdie, ils aiment, même s'ils ont un vrai budget... c'est un tournage professionnel, c'est produit par A24, en soi, il n'y a pas de problème de tournage, de droit de tournage dans la rue à New York. Ils auraient pu prendre John Turturro pour jouer le mec qui va mettre des trucs en gage et tout, mais non, ils vont chercher ce qu'il y a dans le réel et qui peut nourrir leur histoire. Ouais. Mais ils aiment bien, faire entrer un acteur connu dans le paysage quotidien de New York, sans que personne se rende compte. Et on peut peut-être parler d'un court métrage qu'ils ont tourné à l'intérieur de ce tournage de Uncut Gems. Ah, ils l'ont tourné pendant Uncut Gems. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je savais pas. Ils ont tourné un court métrage en fait avec Benny Safdie, un des frères Safdie justement. Goldman versus Silverman, ouais. Ouais. Et vous pouvez le trouver sur YouTube gratuitement. Donc Goldman versus Silverman, c'est avec Benny Safdie et Adam Sandler qui sont grimés en, comment on appelle ça ? Eh ben, des hommes statues. Ouais, des hommes statues. Voilà, il y en a un qui est doré et il y en a un qui est argenté. Voilà, qui cherche à récolter un peu d'argent en faisant les statues dans la rue. Voilà, c'est bien connu en France comme aux États-Unis. Et donc, c'est ça. Bah là, pour le coup, vous avez vraiment ce côté. C'est sur Times Square. Adam Sandler qui est. C'est sur Times Square, je crois. Ouais. Vous avez vraiment ce côté là. C'est vraiment poussé à l'extrême de Adam Sandler, le mec hyper connu qui est grimé en or, je crois. Oui. C'est lui qui est doré. Et que personne ne reconnaît évidemment, puisque grimé en or, qui reconnaîtrait ça, Adam Sandler, hein. Et ça pourrait être Leonardo DiCaprio, ça serait pareil. Ouais, ils ont cette vertu de dépouiller la star de son aura pour la faire accéder à une sorte de niveau supérieur où à un moment donné, il va devenir un personnage à part entière. Bon, je crois que on a suffisamment peut-être montré notre amour de ce film. On a suffisamment parlé de ce film, mais on va quand même. Enfin, moi personnellement, j'ai envie de parler juste. Du fait que pendant tout le dernier acte du film, moi, personnellement, j'étais sur mon petit canapé chez moi et je tenais plus en place. Vraiment, j'étais sur le bord de mon canapé, tendu, je gueulais, je me levais, je marchais, j'en pouvais plus. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort pour moi, c'est qu'ils arrivent à créer, comment dire, une sorte d'empathie, enfin à nous emporter dans l'hystérie du personnage et en même temps à donner une sorte de recul là-dessus qui est assez terrifiant. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que ils nous font vivre l'hystérie, ils nous plongent dans l'hystérie et en même temps, on se dit mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est pas possible, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et j'ai pas souvenir d'avoir ressenti ça devant un film avant Uncut Gems. Vraiment, aucun souvenir de ce genre d'émotion. Je me dis, si je l'avais vu en salle, est-ce que je serais tenu sur mon siège? Vraiment, je me pose la question. J'aurais rêvé de le voir en salle. Moi, je l'ai vu en salle à Paris. En tout cas, j'étais fou. C'était l'hystérie. J'étais fou. Et puis, pour couronner le tout. Ce film, quand même, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce qu'on parle pas de l'histoire, mais le film se termine sur un générique, sur une musique qui est une de mes musiques préférées de tous les temps, qui s'appelle « L'amour toujours » de Gigi D'Agostino. L'amour toujours, voilà, c'est ça qu'on veut. Comme ça, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais mettez-la sur Internet, sur Deezer, Spotify, vous allez comprendre tout de suite de quelle musique je parle. Et... Ouais, puis je pense que de toute façon, vous allez l'entendre d'ici pas très longtemps. Donc voilà. Et où est-ce qu'on peut voir ce film alors ? Ben, on peut le voir sur Netflix. Sur Netflix. Il est sorti courant janvier, 31 janvier 2020, donc il y a un peu plus d'un an. Voilà. Il est toujours disponible et voilà. Et juste pour faire en guise de conclusion, on pourra peut-être dire que voilà. Adam Sandler, qui a quand même un rôle voilà, dramatique, on sait que ça plaît quand même à la planète Hollywood et la planète en général, hein, quand un acteur comique se met à un rôle dramatique. Ouais, ça leur plaît, mais pas suffisamment pour le nommer aux Oscars. Voilà, pas suffisamment pour le nommer aux Oscars, mais on pourra noter quand même que à côté des Oscars, il y a les Independent Spirit Awards. Voilà, qui ont lieu un jour... Avant, c'est vraiment le soir, la veille des Oscars, a priori. Eh ben tant mieux, parce que du coup, en fait, une fois qu'on a vu ça, on n'a pas forcément besoin de regarder les Oscars. Voilà, c'est ça. Et c'est beaucoup plus passionnant. C'est fait dans un tout petit truc, genre un préfabriqué, vraiment. T'abuses. Non, mais c'est vraiment un préfabriqué, hein, je te promets. Oui, mais bon, quand même. Mais voilà, Ce film a quand même eu le prix du meilleur acteur par Adam Sandler, oui. Le prix du meilleur montage Benny Safdie et Ronald Bronstein. Allez voir le discours d'Adam Sandler quand il reçoit l'Independent Spirit Award du meilleur acteur. C'est priceless. C'est gratuit sur YouTube. C'est super beau. Et surtout aussi, allez voir, si vous aimez bien le discours d'Adam Sandler, allez voir le discours de Josh et Benny Safdie, qui est en fait beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'ont pas aimé Uncut Gems et qui ont critiqué le fait que c'était beaucoup de dialogues, de gens qui parlaient en même temps et on comprenait pas grand chose, etc. On parle en même temps et puis c'est très bien. Mais les frères Safdie ont joué de ça et ont fait un discours. J'ai eu aucun problème de Aller le voir sur YouTube. C'est assez génial, assez créatif. C'est vraiment très beau. Ok. Ça en fait des belles choses à voir, ça en fait. Et maintenant, Jean, maintenant, parce qu'il n'y a pas que le streaming sur le petit écran, voici venu le temps de la Gazette des Galettes. Les gens viennent parce qu'ils veulent regarder des films. C'est pour ça qu'ils viennent. Pourquoi tu retournes pas au vidéoclub, toi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas au vidéoclub. J'ai exactement ce que vous cherchez, les jeunes. La meilleure vidéo de toute la boutique. Tu vas me promettre de voir ça, loue-le un jour. Ça a changé ma vie. C'est qui le bébé qui a pris le Roi Lion ? Y'en a bien un qui l'a pris ? Vous louez beaucoup de vidéos. C'est vrai ? Vous devriez vous inscrire à notre vidéo fan club, c'est pour les gens qui louent un peu trop de vidéos. Mais maman, le film est pas terminé. Ne discute pas. Monsieur Stubbins a l'air de penser que ces idioties de films sont en train d'affecter ton travail scolaire. Maman, monsieur Stubbins est un con. Alors, la Gazette des Galettes, c'est un peu comme Stream Breakers. C'est un moment que l'on va prendre chaque mois pour vous parler de l'actualité des sorties, mais uniquement des sorties DVD et Blu-ray. Et pourquoi ce choix ? Parce que oui, quand vous regardez les catalogues des plateformes, vous vous dites qu'il y a suffisamment de films pour toute une vie, et c'est vrai. Mais, on a envie, nous, de vous emmener un peu plus loin, de vous faire découvrir des ailleurs. Et ces ailleurs, souvent, on les trouve sur nos platines, sur nos galettes, sur nos DVD et sur nos Blu-ray. Et puis, parce que acheter ou louer un DVD, c'est avoir accès à un film, mais également à des bonus, des commentaires audio, des textes, tout un tas de choses qui enrichissent l'expérience que l'on peut faire d'un film. Et dans Home Alone, on aime ça, Jean, hein, pas vrai ? On adore. Voilà. Et puis aussi parce que la vidéo, c'est tout un écosystème. La vidéo, c'est la librairie, c'est la boutique de DVD, c'est la médiathèque, c'est tous ces lieux dans lesquels on peut faire des rencontres, des lieux où on peut discuter avec des gens en chair et en os. Et même si au final, on se retrouve seul chez soi à regarder ces films, on est très, très attachés, nous, dans Home Alone, à ces lieux physiques dans lesquels le cinéma vit aussi et se transmet. Et puis enfin, on voulait parler de DVD et de Blu-ray parce que l'éditeur vidéo, c'est aussi une sorte d'historien, en quelque sorte. Hein. Sans les éditeurs vidéo, combien de cinématographies anciennes, mais pas seulement, nous seraient restées inaccessibles ? Je veux dire, Jean, même toi, hein, grâce aux DVD, aux Blu-ray, tu as découvert des choses que si jamais tu étais resté sur Netflix ou ailleurs, tu n'aurais peut-être jamais vu. C'est sûr. Voilà, donc ce sont quelques-unes des raisons qui ont présidé à ce choix. Mais trêve de blabla et commençons tout de suite notre tour d'horizon des sorties 2020. Alors, par quoi on commence ? On va commencer par ton cinéaste fétiche, Claude Chabrol. Un de mes cinéastes fétiches, mais oui, c'est vrai. Un de tes cinéastes fétiches. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas Claude Chabrol, petite mise en contexte. Alors voilà, Claude Chabrol, évidemment, c'est un cinéaste qui a fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle vague. Hein. C'est même celui qui a lancé, en quelque sorte, la nouvelle vague, étant donné que c'est le premier à avoir tourné son long métrage parmi cette bande qui travaillait au Cahier du cinéma. Il a lancé, en quelque sorte, la chose avec son film Le Beau Serge. Le Beau Serge. Ouais, en 1958. Claude Chabrol, c'est quelqu'un qui a tourné beaucoup, énormément. Il a fait beaucoup de films pour le cinéma, mais aussi pour la télévision. C'est le grand cinéaste de la bourgeoisie et du rapport de classe. Voilà, c'est quelqu'un dont aujourd'hui, moi, je voulais parler vraiment. Parce que malgré ce curriculum qu'on vient de vous dérouler, j'ai l'impression que c'est parfois un peu la dernière roue du carrosse. Quand on regarde, par exemple, parmi tous les cinéastes de la Nouvelle Vague, c'est l'un des seuls à, par exemple, ne pas avoir eu de rétrospective en bonne et due forme à la Cinémathèque française. Le savais-tu ? Je ne savais pas. Et pourtant, c'est vrai. Mais alors, pour autant, pourquoi parler de Claude Chabrol aujourd'hui ? Pourquoi parler de Claude Chabrol cette année ? Des films sont ressortis, mais en quoi c'est intéressant, je trouve, d'en reparler aujourd'hui ? C'est parce que, à la lueur de tout ce qu'on a vécu cette année, et puis dans les années qui se sont écoulées, je me rends compte que Claude Chabrol, c'est aussi un grand cinéaste du féminin. Voilà. On sait que l'une de ses muses, ça a été une de nos Isabelles nationales, Isabelle Huppert. Mais voilà, c'est surtout quelqu'un, je me suis rendu compte là, en revoyant les films de Claude Chabrol qui sont ressortis en 2020, c'est quelqu'un dont les films résonnent particulièrement avec tout ce dont on parle aujourd'hui, avec la place de la femme dans la société. Par exemple, en 2020, un film de lui qui est ressorti, c'est Betty, avec Marie Trintignant et Stéphane Audran, qui est d'ailleurs le dernier film, je crois, si je ne me trompe pas, que Claude Chabrol et Stéphane Audran ont fait ensemble. La magnifique Stéphane Audran. Oui, la magnifique Stéphane Audran. Cette année aussi est ressortie une affaire de femme et je me dis voilà, par exemple une affaire de femme, quand on voit ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, quand on voit à quel point on est en train de revenir en arrière sur des choses qu'on croyait fondamentales comme par exemple le droit à l'avortement, et quand on voit ce que Chabrol a fait à l'époque où il l'a fait et la manière dont il l'a fait dans un film comme ça, comme une affaire de femme avec Isabelle Huppert et également avec Marie Trintignant, je me dis voilà, c'est quelqu'un dont les films encore aujourd'hui en 2021 ont un sens et font écho à ce que nous vivons. Et même au-delà de ça, au-delà de la question des femmes, par exemple, quand on voit ces dernières années, une des séries françaises les plus marquantes pour les téléspectateurs, une des séries françaises qui a le plus marché, qui est Capitaine Marlowe, réalisée par José Dayan, en 2020 sont ressortis deux films de Claude Chabrol, Inspecteur Lavardin et Poulet au vinaigre, des films avec Jean Poiret, magnifique Jean Poiret, qui est vraiment un acteur que moi j'adore. Et quand on revoit Inspecteur Lavardin et Poulet au vinaigre, et qu'aujourd'hui on voit Capitaine Marlowe, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte peut-être de filiation dans ce personnage de flic pas aimable, pas poli, qui vient ruer dans les brancards, enfin, voilà, moi je voulais parler de Claude Chabrol aujourd'hui je trouve que c'est quelqu'un, parce qu'il avait un côté débonnaire, parce qu'il a fait beaucoup de films, parce qu'il a fait des mauvais films en plus de ses très bons films, on parle finalement peut-être trop peu. Et en fait, voilà, moi je voulais parler de Claude Chabrol ce soir parce que je trouve que c'est quelqu'un qui reste très actuel, et je suis très content que MK2 fasse le travail qu'il faut pour garder les films de Claude Chabrol sur le devant de la scène, parce que voilà, c'est un cinéaste qui, pour moi, doit rester dans les mémoires, doit rester vivant. Et puis en plus, voilà, en achetant ces DVD, vous pourrez avoir accès à des commentaires audio de Claude Chabrol. Et avec Jean, on a eu la chance de pouvoir voir Claude Chabrol dans le cadre d'une rétrospective qui lui était consacrée à Nantes, au Cinématographe, un cinéma qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse. Et c'était super d'entendre parler Claude Chabrol de son cinéma. C'était, voilà, je sais pas ce que t'en penses, Jean, mais enfin, moi, c'était vraiment très émouvant. Clairement, Clément vous parle de Claude Chabrol comme je pourrais jamais vous en parler, mais moi, je ne connaissais que très peu ce cinéaste. Évidemment, de nom, je connaissais, mais j'ai découvert des films incroyables et j'avais vu, moi, avant de le rencontrer, Le Boucher. Et Le Boucher, ça a été vraiment un des films phares de ma cinéphilie. Vraiment, c'est incroyable. Stéphane Audran. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, d'avoir pu avoir l'occasion de rencontrer Claude Chabrol, de l'écouter voilà, dans un cinéma à Nantes, c'était et on vraiment pas très beau. Enfin, c'est pas juste le fait de voir quelqu'un en chair en os, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une parole tellement joyeuse, tellement riche, tellement comment dire, l'entendre parler de cinéma, c'était c'est pour ça qu'aussi c'est super que ces films continuent à vivre en DVD et notamment avec des commentaires audio de lui, parce que il a une manière de parler de son travail qui est juste tellement vivante, tellement tellement joyeuse. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui mangeait la vie comme le cinéma. C'est un conteur, en fait, hein, vraiment. C'est un conteur, c'est un gourmand, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Voilà, je me rends compte que, étant donné que j'ai un rapport très sentimental à l'œuvre de Claude Chabrol et à l'homme aussi, même si je l'ai juste croisé un jour à Nantes dans une salle de cinéma. J'en parle pas forcément très très bien, mais voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce cinéaste si vous le connaissiez pas, de le redécouvrir si jamais vous le connaissiez, parce que Claude Chabrol, c'est ça aussi, c'est un cinéaste qu'on connaît jamais vraiment, c'est un cinéaste, chaque fois qu'on y retourne, on découvre des choses sur lui, des films de lui auxquels on s'attendait pas. Donc voilà, allez-y, foncez, profitez du fait que voilà, il n'y ait pas de coffret intégral, mais que les films ressortent régulièrement et qu'il y en ait plein qui aient été réédités en 2020, pour aller voir ou revoir Claude Chabrol. Et donc, moi, je trouve que t'en parles très bien, mais merci beaucoup, Jean. Mais alors, maintenant, passons de l'autre côté de la frontière et parlons du Dernier Train de la Nuit ou de La Bête tue de sang-froid ou de Night Train Murders ou de The New House on the Left, je ne sais pas, ce titre a 1000 films, hein. Ce film a 1000 titres, hein. Ce film d'Aldo Lado de 1975 réédité par le Chat qui fume. Alors je pense que c'est une bonne introduction, Jean, pour parler de ce film. Alors pourquoi ce film a autant de titres et notamment pourquoi on nous parle d'une maison sur la gauche alors que ça se passe dans un train? Eh bien, personnellement, j'ai pas la culture là comme ça pour je peux pas vous donner d'affirmation exacte, mais en tout cas, à l'époque, on parle de films italiens qui faisaient des coproductions en fait entre la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. Mm-hmm. Et qui avaient tendance, du coup, parce qu'il y avait des acteurs en fait de chaque nationalité. Hein. On a Macha Merrill dans le film qui est française, on a le reste du casting qui est italien a priori. Je ne sais même pas dans quelle langue était enregistré le film. Souvent, à l'époque, en tout cas, on avait tendance à faire parler chaque acteur dans sa langue natale. Oui, et qui pouvait donner lieu à... Voilà, à changer tout à la post-production. Donc, je ne sais pas d'où viennent tous ces titres. Je ne sais pas... Moi j'ai en tout cas, on sait d'où viennent certains de ces titres, et notamment ces titres qui font référence à Une maison sur la gauche. Ah oui, clairement, oui. Parce que, en fait, ce film est une sorte de remake un remake européen. Deux ans plus tôt. Voilà, deux ans plus tôt, ou trois ans. Deux ou trois ans. Voilà, un film américain d'un cinéaste qu'on aime beaucoup avec Clément, qui s'appelle Wes Craven, oui. Et qui nous a donné... Wes Craven, on parle en français, nous. c'est son premier film, hein, qui s'appelait La dernière maison sur la gauche, que vous connaissez peut-être ou pas, mais voilà, qui était un film très... Un film fondateur d'un certain genre, non ? Ouais, c'est ça. Enfin, fondateur, je sais pas. Non, ça a existé bien avant. On peut retrouver même ça chez Bergman, Ingmar Bergman, dans les années 50, je crois. En tout cas, un film emblématique d'un certain genre qui s'appelle... Le Rape and Revenge. Ouais. Voilà, et c'est quoi le Rape and Revenge ? Le Rape and Revenge, c'est tout simple, hein, ça porte bien son nom. Si vous parlez anglais, c'est une personne, en général féminine, qui se fait violer par des hommes et qui se venge. Tout simplement. Ou se fait venger. Se fait venger, ouais. En l'occurrence, ouais, dans La dernière maison sur la gauche, elle et se fait venger. Et dans Le dernier train de la nuit. Qui est en fait une sorte de remake. Voilà, c'est pour avoué ça. Ou non. C'est pour ça que, notamment dans certains pays, ce film est sorti sous le titre de The New House on the Left. J'ai même trouvé des affiches avec ce titre. Je ne savais même pas, mais bah moi, oui. Moi, en tout cas, je l'ai découvert en DVD. C'est un ami qui me l'a prêté, absolument pas cinéphile. Voilà. J'ai découvert ça comme ça par hasard. Ça s'appelait La bête tue de sang-froid. Non, cette année, si, l'édition du Chat qui fume qui vient de sortir. C'était pas un DVD d'ailleurs, c'était un Blu-ray. Non, moi je l'ai découvert il y a 10 ans, ah 10 ou 11 ans en DVD. Je ne sais plus quelle édition française faisait ça, mais il était nommé Le dernier train de la nuit. D'accord. Traduction littérale du titre italien, L'ultimo treno della notte. On aime bien l'italien ici, hein, mais oui. On parle mieux italien qu'espagnol. On parle pour toi. Bah voilà. Mais du coup, moi ça a été un choc, hein, quand même, ce film. Il m'a vraiment marqué. La preuve, je m'en souviens 10 ans après. On l'a revu avec Clément dans la nouvelle édition 4K, là, justement, du Chat qui fume. Édition intégrale, hein, parce que je pense que la version que tu as vue il y a 10 ans, probablement il devait y avoir court. Des choses qui avaient été coupées. Ouais, c'est probable. Et oui, puisqu'elle dure une heure... Combien ? Une heure... Elle dure moins longtemps. Ouais. Mais du coup, le dernier train de la nuit, on parle d'un film, donc, de Rape and Revenge, en fait, qui... Bah oui, alors... Tu nous racontes le synopsis, Clément ? Oui, bien sûr. Alors, le dernier train de la nuit, ça commence par un portrait d'une galerie de personnages qui vont se rencontrer, du coup, dans un train de nuit. Alors, d'un côté, on a deux voyous, dont un qui... On va le comprendre assez vite et passablement camé. Deux jeunes filles de bonne famille et une mystérieuse femme jouée, comme on l'a dit, par Macha Merrill, bourgeoise, assez froide, voilà, qui vont tous se rencontrer dans un train de nuit et y vivre une aventure assez glauque, puisque cette aventure va se terminer par le meurtre précédé du viol de ces deux jeunes filles. Voilà. Sachant que Macha Merrill, si vous la connaissez, soit des films de genre qu'elle a pu faire dans les années 70, 80, etc. Soit vous la connaissez peut-être, des grosses têtes, voilà. Oui, à la radio. Ou parce qu'elle est devenue la femme de Michel Legrand à la fin de sa vie, parce qu'elle a fait un film avec elle en a sûrement fait plusieurs d'ailleurs, avec Jean-Luc Godard. Enfin bon, bref, c'est une actrice française assez connue. Et là, on la retrouve dans un rôle de femme, très étrange, parce que de prime abord, on se dit, quand on la voit, que ça va être peut-être une des victimes potentielles. Et en fait, Macha Merrill, son personnage, ce sera l'instigatrice du drame qui va se nouer. Ce sera celle qui va, en quelque sorte, attiser le vice chez ces deux jeunes hommes, hein, un vice qui est déjà bien présent, mais qu'elle va exciter au point qu'ils vont aller jusqu'au viol et jusqu'au meurtre. Et donc, voilà, ce pitch, quand on le fait de cette manière-là, il reprend exactement le pitch de la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Mais alors, en quoi, Jean, ce film, il se démarque de la dernière maison sur la gauche ? Il se démarque, non pas en... Enfin, on parle pas de qualité, là. On parle juste de style, en fait. De la manière dont c'est fait. La manière dont c'est filmé, la manière dont c'est fait. Et voilà, le premier film de Wes Craven, c'est un film qui est vraiment ancré dans un style un peu à la frontière du documentaire. Hein. Clairement, on essaie de choquer vraiment comme si c'était réel, en fait. Hein. On essaye de donner un effet de réel maximum. Ouais, c'est une sorte de Blair Witch, mais 20 ans avant, voilà. C'est pas du fan footage, mais c'est très réaliste. On vous fait penser que tout ce qui se passe est vrai, pour vous choquer, et voilà, c'est vraiment ce style-là. Dans le film de Craven, il n'y a pas d'esthétisation de ce qui se passe, alors que dans Le Dernier Train de la Nuit... Ouais, dans Le Dernier Train de la Nuit, on est évidemment dans les années 70 en Italie, donc le mode qui est à la mode à cette époque, c'est le giallo. Et le giallo, c'est quoi ? C'est des films qui viennent à la base de romans italiens, en fait, qui sont l'équivalent des romans. C'est un genre littéraire à la base ? Ouais, c'est un genre littéraire, en fait. C'est giallo en italien, ça veut dire jaune, en fait. Donc, en fait, c'est... Ah, les couvertures jaunes, comme on parle de la série noire en France. Série noire en France, ouais. Et vous voyez ces livres scandinaves qui ont des bordures rouges, et ben en Italie, c'est la bordure jaune. Voilà, donc c'est un mélange de policiers, de criminels, de d'horreur, hein, clairement. Donc en fait, c'est des tueurs qui sont en général gantés, avec des gants en cuir, avec des armes blanches, des couteaux, et qu'on ne voit presque jamais dans le film. Oui. Voilà, c'est cette dimension fétichiste, en fait, elle est comment dire. C'est une bonne porte d'entrée pour le giallo, c'est-à-dire que le giallo, c'est quand même quelque chose qui est très esthétisant. Et c'est là qu'en fait, Le Dernier Train de la Nuit, c'est vraiment, comment dire, à la fois un remake de La Maison sur la Gauche, mais quelque chose de complètement différent. C'est ça, ouais, parce que la Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven, c'est un film qui est fait avec très peu de moyens, voilà, on filme caméra portée, voilà, c'est vraiment... un autre style, alors que Le Dernier Train de la Nuit, c'est un film où vous avez des mouvements de caméra, vraiment, vous sentez les rails. Des effets de lumière aussi. On joue beaucoup sur la lumière, évidemment, parce que le giallo, pensez... C'est quelque chose de très graphique. Pensez Argento, pensez Bava, on est dans un style très Mario visuel, Bava, très Mario stylisé, Bava. Voilà, c'est vraiment... là, dans le film, c'est évidemment, c'est moins fort que chez Argento, mais dans tous les cas, vous avez vraiment un visuel soigné. Il y a un moment assez clé dans le film où Masha Merrill décide de couper la lumière du compartiment voyageur du Et où du la train, scène ne sera plus éclairée que par la lumière la lumière de la lune. Ouais, logiquement, c'est la lumière de la lune. Évidemment, c'est exagéré, vu qu'on est dans le giallo, c'est très stylisé. Donc, c'est une lumière bleue qui éclaire tout le compartiment et qui est au fond très belle, hein, malgré le climat très anxiogène de la scène. Hein. Ah oui, justement, Jean... on parle d'esthétisation, on parle de violence, sur des femmes, sur des corps de femmes. Et est-ce qu'on a envie de voir ça en 2021 comment c'est montré ? C'est-à-dire, on parle beaucoup de tout ça aujourd'hui et... Et au fond, un film comme ça qui ressort aujourd'hui, comment il nous montre les choses ? Comment il nous montre ces choses-là ? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que cette violence, elle est érotisée ? Est-ce que cette violence, elle est esthétisée au point où elle devient désirable ? Pour moi, non. Pour toi, je sais pas. Comment tu l'as ressenti, toi ? C'est clairement, on parle d'un film d'horreur, de genre en tout cas, tout est dans le psychologique en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui sont montrées directement, clairement. Donc voilà, moi par exemple, je trouve qu'un des plans les plus dérangeants à la limite du film, c'est absolument pas ce qui se passe dans le train, c'est une opération, c'est-à-dire que le père d'une des victimes, il y a un montage parallèle. Oui, en fait, on l'a pas dit. Ouais, il y a un montage dit, parallèle fait. Entre la famille, toute la première partie du film, la famille d'une des il y a deux jeunes filles du coup, et elles prennent ce train avec ces deux voyous et avec cette femme, et en parallèle on voit les parents de l'une des jeunes filles, voilà, qui les attendent pour fêter Noël. Et qui sont des bourgeois concrètement, une famille très riche d'Italie, qui a une belle maison, voilà, avec beaucoup d'invités, ils sont en train de faire un repas, voilà. Mm-hmm. Ouais, en fait, c'est le père d'une de ses victimes est chirurgien. Et au tout début du film, on l'oublie en fait quand on regarde le film. Moi, je l'avais oublié, oui. Mais au tout début du film, il y a une scène d'opération d'appendicite. Qui est en finale la chose la plus crue qu'on peut voir dans le film. Hein. C'est vraiment le. Il y a très peu de sang dans le film. Il y a deux scènes sanglantes, en gros, et la première scène, c'est cette scène d'appendicite. C'est-à-dire que c'est un scalpel qui taille dans le ventre de quelqu'un qui est en train de se faire opérer de l'appendicite. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus dans ce film. En fait, je trouve ça très, très malaisant, très dérangeant de voir un scalpel rentrer, voilà, dans le corps de quelqu'un filmé de façon directe. Hein. On croirait presque que c'est une vraie opération, hein, clairement. Mais d'ailleurs, ça l'est peut-être. D'ailleurs, ça l'est peut-être. Hein. Enfin, je suis pas allé jusque là, mais d'ailleurs, ça... C'est très possible. Et je pense notamment à Olivier Marchal en France, qui avait pour MR73 filmé un accouchement de façon très directe, voilà, un vrai accouchement. Et je sais que c'est quelque chose qui se fait, voilà, dans certains cinémas, on décide de filmer une vraie opération. Donc oui. Ça m'étonnerait pas que ce soit une vraie opération d'appendicite. Ok, ok. Et par rapport à cette question de la représentation de la violence, bah, ce qui est bien, c'est que, enfin, voilà, en allant chercher le DVD du dernier train de la nuit, bah, vous aurez accès non seulement à ce film pour vous faire une idée, mais aussi à un entretien avec Irène Miracle, une des actrices qui joue une des filles qui se fait violer et tuer dans ce film. Et cette actrice vous parle de ce que ça a été de tourner tout ça. Donc ça peut, comment dire, aussi aider à se faire une idée et nourrir la discussion. Et également un grand entretien dans les bonus de plus d'une heure avec Aldo Lado. Et donc voilà, c'est un film qui nous a intéressé esthétiquement, politiquement aussi, en un sens. Et étant donné que si vous intéresse aussi et que vous allez le chercher en DVD, vous aurez accès à tout ça, bah, vous pourrez vous faire votre idée et puis vous pourrez nous dire. Voilà. Donc maintenant que nous en avons fini avec ce dernier train de la nuit, peut-être revenons en France. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, Jean. Non, ouais, je voulais juste parler du fait que voilà, on parle de Giallo, mais de façon plus générale, on parle d'un film d'exploitation là, en fait. Alors, c'est quoi exactement le film d'exploitation ? Bah, le film d'exploitation, en fait, c'est un style de film qui est né, je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas, c'est assez vieux. Ça remonte à Roger Corman en Amérique, oui. Dans les années en fait 60, je crois. C'est des films qui sont fauchés, comme le Bumblecore dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Et en fait, c'est des films fauchés qui sont de genre, clairement. On est dans l'horreur, dans le fantastique, etc. Mais l'horreur, en tout cas, ça marche bien avec le côté fauché. Films de Bela Lugosi, un petit peu. Ouais, d'une certaine façon. Mais voilà, la version moderne, par exemple, ça serait Jason Blum qui fait ses films avec 2 millions d'euros, avec des acteurs plus ou moins connus. Voilà, en fait, c'est vrai qu'à son échelle, il a créé un studio, mais il a créé un studio de films d'exploitation, bah, en fait. Jason Blum, c'est un Roger Corman moderne, hein, c'est vraiment ça. Hein. Enfin, on prend des acteurs un peu connus, comme ça, ça fait des têtes connues qui attirent un peu le public. Mais de toute façon, on fait des films d'horreur, donc l'horreur, ça attire toujours. Et avec les recettes de ces films, on fait plein d'autres films. Et voilà, il y a... il y a beaucoup de films qui sont mauvais en quelque sorte, mais au-delà de ça, il y a quelques pépites qui ressortent. Et notamment Le Dernier Train de la Nuit. Le Dernier Train de la Nuit à cette époque, en tout cas, dans le cinéma d'exploitation. Voilà. Et merci d'avoir fait ce point sur le cinéma d'exploitation, parce que c'est vrai que tous les films ne sont pas des objets isolés, mais des objets qui s'inscrivent dans une histoire du cinéma. Et c'est bien aussi de remettre les choses en contexte. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, quand on parle de cinéma d'exploitation, les cinéastes les plus connus en Italie, voilà, Argento, Bava, quand on pense à Argento, par exemple. Ouais. Argento, concrètement, c'est un mec qui faisait du cinéma d'exploitation. Et en fait, quand on pense à l'image qu'il dégage aujourd'hui dans la cinéphilie, oui, d'un grand auteur, voilà, établi, reconnu. Exactement, ça a beaucoup changé avec le temps. Et probablement à l'époque où certains de ses films sont sortis, qui sont des classiques aujourd'hui, c'était sûrement pas le cas à l'époque. C'était considéré comme, ça attirait un public bien restreint. Aldo Lado était conspué par la critique en Italie à l'époque où il faisait ses films. Et c'est ça aussi la magie du DVD, en fait. C'est qu'à un moment donné, ça permet aussi un travail de réhabilitation critique, en quelque sorte. Voilà, ça permet de réécrire l'histoire du cinéma dans le bon sens. Voilà, on le pense. Et puisqu'on parle d'histoire du cinéma, parlons d'un pan de l'histoire du cinéma français, parlons d'un auteur, français... et également un petit peu italien, qui n'est pas très connu, que moi je ne connaissais pas, alors que pourtant j'ai creusé le cinéma français, ça a été une de mes grandes passions à un moment donné, un cinéaste qui s'appelle Claude Faraldo. Claude Faraldo, le réalisateur d'un film qui s'appelle Bof, Anatomie d'un livreur, de 1971, qui est ressorti donc en 2020, réédité par Tamassa Diffusion. Et alors, qui c'est Claude Faraldo, Jean? Qui c'est Claude Faraldo? Claude Faraldo, donc, c'est un cinéaste français avec une origine italienne. Fils d'ouvrier immigré italien. C'est ça. En 1936, pardon, à Paris. Voilà, mort à Alès il y a quelques années. Et alors, c'est qui dans l'histoire du cinéma français? Claude Faraldo, c'est un mec clairement à part dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma français. C'est un, voilà, comme on l'a dit, c'est un fils d'ouvrier qui a enchaîné plusieurs petits boulots. Il a fait le cours Simon en espérant être comédien. Et avant ça, il a fait plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler à 13 ans et il a bossé pour Nicolas, on y reviendra, en tant que livreur, voilà. Ouais, c'est ça. Et ça a été quand même un des cofondateurs de la société de production Armédia, qui est quand même assez connue. Qui est une des plus grosses agences artistiques françaises et même à l'international, je pense. Voilà. Et Claude Faraldo, c'est un personnage, vous le connaissez probablement pas. C'est un homme qui était complètement autodidacte dans le cinéma. Il n'a pas fait d'école, il n'était pas cinéphile, il regardait peu de films. Il s'est retrouvé un peu par hasard dans le milieu du cinéma. Et je ne sais pas exactement comment, mais il s'est retrouvé à faire un premier film qui, a priori, n'a vraiment pas marché. Qui n'est pas sorti en France, qui est sorti en Tchéquie et dans quelques pays de l'Est. Ouais. Et a priori, si j'ai bien compris, plusieurs personnes, des techniciens, des acteurs du film, il y a trois personnes qui sont mortes à la suite de ce tournage. Ça a été assez dramatique, oui. Relié au tournage, mais en tout cas, qui sont décédés, et ça a été dramatique pour lui, ça l'a un peu... Éloigné du cinéma, temporairement, et puis après, il est revenu avec ce film, Bof. Avec ce film, Bof, Anatomie d'un livreur. Un film super, Bof, c'est le titre. C'est le titre, Bof. Voilà. Et alors, c'est quoi Bof, Anatomie d'un livreur? Moi, j'ai envie de dire tout est dans le titre, mais racontons quand même un peu l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'ailleurs, dont on n'aura jamais le nom, qui travaille comme livreur pour une société de négoce en vin qui s'appelle Noé Vin, voilà, qui est jeune, voilà, au moment où commence le film, il quitte à peine le nid familial pour s'installer avec Germaine qui est sa femme, voilà. Et dans Bof, on nous montre les débuts de ce ménage auquel très vite va se greffer le père qui, suite à la mort de sa femme, va venir s'installer avec son fils. Et tous ensemble, ils vont fonder une sorte de ménage à trois, puis à quatre, puis peut-être même à cinq, une sorte de petite micro-société. Idéal, je ne sais pas, ce sera à vous de juger, mais en tout cas, une sorte de petite famille complètement en dehors des clous qui cherche à inventer quoi ? Une autre vie, on peut dire. Ouais. Et donc pourquoi on vous parle aujourd'hui de Bof ? Hein, pourquoi on vous parle aujourd'hui de Bof ? Moi, j'avais envie de parler de ce film parce que... j'ai été frappé en le voyant, notamment par ce premier quart d'heure. Ce premier quart d'heure qui nous montre ce personnage principal, ce jeune homme qui exerce ce travail de livreur hein, pour cette société de négoce en vin. Dans ces premiers moments du film, déjà rien que pour ça, je me suis dit « Ah, voilà un film qui montre quelque chose ». Que je n'avais encore pas vu à l'écran, alors que pourtant on vit aujourd'hui dans le monde de la gig economy, on vit dans le monde des livreurs à vélo, on vit dans le monde de Deliveroo. Je veux dire, si on regarde par notre fenêtre passé 18h, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des types à vélo qui parcourent nos routes pour nous livrer des kebabs, pour nous livrer des burgers, pour nous livrer des bouteilles de vodka avec Allo Apéro et tout ça. Et en voyant ce film, je me suis dit, c'est fou quand même, c'est fou que la représentation à l'écran de ce métier-là, elle ait été faite de manière aussi juste il y a 50 ans, et qu'entre-temps, mis à part une petite séquence l'année dernière dans Effacer l'historique, je n'en ai rien vu à l'écran. Et voilà, quand je suis tombé sur ce film, je me suis rendu compte que oui, il y avait un homme, Claude Faraldo, il y a 50 ans, en 1971, qui filmait ça, qui nous montrait ce que c'était que la réalité de ce métier, que c'était la réalité de ce métier sur un corps, ce que c'était que de parcourir des rues avec un véhicule chargé à ras bord pour amener chez des gens des choses qu'ils ont la flemme d'aller chercher eux-mêmes et de grimper des escaliers en essayant de garder l'équilibre. Est-ce que c'était que la fatigue ? Et j'ai trouvé ça juste fou qu'il faille aller dans le cinéma des années 70 pour trouver à l'écran ce qu'on attend comme image de ce qui est une réalité qui pourtant est tellement présente aujourd'hui, de ce qui est le monde d'aujourd'hui, de ce qui est le travail d'aujourd'hui, le travail qu'on nous vend. Et rien que pour ça, je me suis dit, mais voilà, Bof, c'est un film essentiel, comment j'ai pu passer à côté. Et merci Tamassa Diffusion de l'avoir ressorti, quoi. Ben ouais, complètement. Et d'ailleurs, la première partie du film est dans un style très documentaire, vraiment. On ressent, enfin, on comprend que c'est l'expérience du réalisateur Claude Faraldo qui a fait ce travail. Là, hein. Et du coup, ouais, on peut voir au début du film cet homme, là, ce jeune homme qui doit passer à l'entretien et qui doit porter des bouteilles de vin dans des caisses. Et on rajoute des bouteilles de vin. Ouais, on en rajoute 20 bouteilles, voilà. Puis 22, puis 25, voilà, puis 30. Pour voir s'il est capable de les porter. Et il a une manière de nous montrer ce que ça peut faire sur un corps. À un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, Jean, mais il y a cette séquence où il est dans la cuisine de leur petite pièce avec sa femme, Germaine. Et sa femme le regarde et lui dit « T'as une épaule plus haute que l'autre ». Ouais, complètement. Et ça m'a marqué en le revoyant, là. Je me suis dit, mais oui, c'est... Évidemment qu'il n'est pas le plus petit que l'autre, puisqu'il porte une caisse de vin de je sais pas combien de kilos. Bah évidemment, une bouteille de vin, ça fait quoi? 75 centilitres. Donc, presque un kilo par bouteille. Donc, mettons 20 kilos sur le dos. Ouais, donc, forcément, sur l'épaule, ça rabaisse un peu. Ben oui, et elle est où la fiction française aujourd'hui qui va nous expliquer ce que ça fait sur un corps de passer sa journée sur un vélo dans le froid à livrer des kebabs à des petits bourgeois de centre-ville? Elle est où? Elle est où cette mais c'est fiction? Ça, mais c'est presque étonnant parce que oui, à l'époque, voilà, on voit dans le film le test, c'est de mettre ses bouteilles de vin sur son épaule. Aujourd'hui, un livreur, c'est quoi? C'est on lui demande quoi? On lui demande, on a pu voir sur internet. On lui demande de courir. Non, ouais. On lui demande d'être rapide, mais on lui demande d'avoir un vélo, d'avoir un sac à dos d'être très rapide et beaucoup plus rapide que ce n'est possible, en fait, de griller les feux rouges, en fait, tout simplement, d'être dans l'illégalité. Mais dans tous les cas, oui. Elle est où la fiction aujourd'hui qui va nous montrer ça? On l'a pas vu. Il y a clairement un créneau là. Si vous êtes réalisateur, vous venez d'écouter. Merci. Clairement. Faites-le ce film qui deviendra le digne héritier de Bof de Claude Faraldo. Si c'est parce pas un film, l'attend. C'est une web série, mais faites-la. Oui, mais faites n'importe quoi. Sinon, on la fera pour vous. Voilà, on la fera. Et puis surtout, moi, autre chose qui m'a marqué dans ce film, c'est que clairement c'est un film qui est fait après mai 68, c'est un film qui est imprégné pas, j'allais dire, d'une idéologie libertaire, mais c'est pas un film idéologique, mais c'est un film qui prône un autre monde, une autre vie, une autre façon de vivre, ce que j'ai trouvé très très beau, c'est que ça prône ça montre ça d'une manière qui est hyper joyeuse. Il y a cette phrase qui revient tout le temps dans la bouche du père, et je pense que tu t'en souviendras aussi bien que moi, c'est « On va bien s'amuser ». Voilà, et en voyant ce film, je me suis dit, c'est drôle comme il y a 50 ans, quand on imaginait un autre monde, c'était sur un mode joyeux, sur un mode positif. On le voit dans ce film, on a pu le voir dans d'autres films comme Alexandre le Bienheureux avec Philippe Noiret en 1968 ou encore La fiancée du pirate avec Bernadette Lafont de Nelly Kaplan en 1969. Des films où, à un moment donné, les gens envoyaient chier la société dans laquelle ils vivaient, mais avec une sorte de plaisir jouissif, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que construire un autre monde, envoyer chier cette société dont on ne veut pas, ça se construit toujours, ça se fait toujours dans la négativité. Alors que là, c'est dans une sorte de plaisir, dans une sorte de joie. C'est frappant de voir que, en fait, tout ça peut se faire dans une sorte de jeu comme ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien quand on rêve à un autre monde. Ouais. Mais c'est probablement parce que Claude Faraldo, il s'identifiait à rien, il sortait de nulle part, il connaissait pas le cinéma. Et il a fait, voilà... Puis parce que l'air du temps laissait la place peut-être à plus d'espoir. Oui, mais en tout cas, il avait une totale liberté dans ce qu'il faisait. Et en même temps, voilà, moi j'ai lu des interviews sur internet de Claude Faraldo, et c'est un mec qui disait qu'en gros, ce qui l'intéressait dans son cinéma, c'était le jeu d'acteur et l'histoire. Mais à côté de ça, il avait vraiment envie de s'entourer de techniciens confirmés, voilà. Et pour le notamment, par exemple, dans ce film, il y a Sacha Vierny. Voilà, Sacha Vierny, qui est quand même le chef opérateur qui avait fait, avant ce film, l'année dernière, Marion Bad, de Alain René, et Belle de jour, de Louise Buñuel. Donc quand même, on parle d'un mec qui est vraiment dans l'industrie du cinéma français et qui, là, d'un coup, a priori, si j'ai bien compris... part avec un franc-tireur total. Ouais, était curieux, en fait, de faire autre chose, en fait, de découvrir de nouveaux horizons. Et il s'est lancé dans ce film-là et ça se ressent à l'écran. C'est juste très beau. Les plans sont très beaux, très simples. Ah oui. À la fois très simple et très beau, en fait, très fonctionnel. Enfin, c'est vraiment... On parlait de grammaire tout à l'heure, c'est quelqu'un qui maîtrise la grammaire de la caméra. C'est ça, C'est clair que Claude Faraldo, lui, c'est pas son truc. Hein. Donc, le fait d'avoir Sacha Vierny qui bosse pour lui, ça a apporté énormément au film. Et à côté de ça, vous avez aussi la BO du film, hein, la musique. Hein. Si vous regardez le film, vous allez voir que c'est en fait beaucoup de... Enfin, elle n'est pas omniprésente, la musique. Non, mais elle est assez discrète. Elle est assez discrète, mais enfin... quand elle apparaît... Elle est quand même... Elle est là pour être là et elle est là pour quelque chose. Ouais, on l'entend et en fait, c'est des sons très étranges, beaucoup d'effets sonores sur des bruits, des choses comme ça. C'est complètement expérimental. C'est expérimental, ouais, à fond. Et j'ai fait mes petites recherches et j'ai pu voir que la musique était d'un certain Jean Guérin. Ouais. G-U-E-R-I-N, voilà, si vous voulez rechercher. Voilà, qui a le même prénom que moi. Et Jean Guérin, en fait, moi j'ai recherché, j'ai vu que c'était la seule BO de film qu'il a fait de sa vie. En fait, c'est assez étonnant parce qu'elle est quand même assez originale et assez géniale, je trouve. Elle colle beaucoup avec l'esprit libertaire du film. Bah, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il a sorti un album qui vient en fait de la BO du film. Mais à laquelle il a rajouté des instrumentations faites par plein de musiciens, sûrement des amis à lui, qui ont fait des instrumentations, voilà, qui ne sont pas dans le film, mais qui rajoutent une couche à la BO du film. Et voilà, vous pouvez, si vous aimez la musique, vous pouvez retrouver cet album qui s'appelle Tacet, T-A-C-E-T. Et elle a été éditée chez Futura Records, en fait, qui était un label underground français de jazz et free jazz, quoi. Mais on ressent beaucoup ça dans le film, hein, le free jazz, même s'il n'y a pas forcément de saxophone, de trombone, etc. On ressent, voilà, bon, c'est de l'expérimentation, c'est free, voilà. On parle des années 70, bien sûr. Donc vraiment, a priori, c'est un album assez phare de ce label qui est a priori assez important. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez le trouver sur YouTube assez facilement. Vous tapez Jean Guérin, vous allez tomber dessus directement, quoi. Ouais, une musique libre à l'image de ce film et de ce cinéaste, voilà. Et en bonus pour voilà, ceux que ça intéresse, vous pouvez également trouver sur ce DVD un entretien avec Robin Davis, qui était l'assistant de Claude Faraldo, voilà, sur ce film, pour aller plus loin, voilà, c'est toujours les plaisirs du DVD. Peut-être que... Oui. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver le film le plus connu de Claude Faraldo, qui s'appelle Thème Rock. Ah, hein, oui. Avec, où justement, grâce à Boff, en fait, il avait réussi à motiver Michel Piccoli, qui était un acteur, voilà, de cinéma. Enfin, voilà, on parle d'un cinéma qui... Et pas que Michel Piccoli, hein, y a aussi eu beaucoup d'acteurs de café-théâtre de l'époque. Ouais, Coluche, Miu-Miu. Oui, Coluche, Miu-Miu, mais qui était pas connu à l'époque, en tout cas. Ah non, mais non, Michel Piccoli, tout, c'était déjà un nom. Michel Piccoli était déjà, voilà, quelqu'un d'établi, oui. Michel Piccoli a accepté de jouer dans le film, je ne sais pas pour quel pécule. Oh, pour pas beaucoup, je pense. Mais en tout cas, toute l'équipe de... Je pense que quand du on va chez du Café Gare, je crois, ça s'appelle. Le Café des Arts ou le Café de la, ouais, Gare, je sais. Mais en tout cas, Coluche, Miu Miu, etc., qui n'étaient pas encore connus à cette époque, ont accepté de jouer bénévolement dans le film parce qu'ils adhéraient totalement à cette... à cet esprit libertaire que dégageait Claude Faraldo. Et voilà, enfin, c'est vraiment une version encore plus poussée de Boff. Vraiment, on est dans un... C'est un film anarchiste complètement. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Thème Rock. Thème Rock. T-H-E-M-R-O-C. Merci. Voilà, c'est pareil, avec une BO de feu, enfin vraiment... C'est magnifique. C'est comme ça que j'ai découvert Claude Faraldo, personnellement. Bah oui, grâce à Tamassa Diffusion. Merci Tamassa Diffusion. Maintenant, pour terminer, peut-être quelques mentions, Jean ? Oui ? Ouais ? Ouais, ouais. Tu commences, je commence ? Tu commences. Ok, je commence. Alors, moi, cette année, J'ai vu un film que j'aurais pu revoir parce qu'il est très très connu, mais en fait que je n'avais jamais vu parce que de prime abord il ne m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout. C'est Rambo First Blood de Ted Kotcheff, un film de 1982. Évidemment Rambo, vous voyez tous à quoi ça fait référence, hein, c'est ce personnage joué par Sylvester Stallone, cette montagne de muscles qui dézingue des gens voilà, avec des mitraillettes et tout ça. Ça a été réédité en fait par Studio Canal en 2020 et j'y suis allé parce qu'en fait voilà, je n'avais jamais vu aucun Rambo, je n'avais jamais vu ce premier Rambo, donc de Ted Kotcheff, Rambo First Blood, et quelle surprise ça a été, parce que moi je m'attendais voilà, à avoir des torrents d'hémoglobine, à voir un film complètement bourrin. Et en fait, je me suis rendu compte que Rambo, en tout cas dans sa première itération, ça n'était pas du tout ça. Que ça n'était pas un film de guerre, que ça n'était pas un film bourrin, qu'au contraire c'était un grand film mélancolique, que c'était un film qui fait l'inventaire de la guerre du Vietnam d'une façon assez terrifiante et extrêmement belle, que c'était un film dans lequel Sylvester Stallone livre une performance d'acteur absolument magnifique, émouvante au possible, voilà, c'est ça qui est aussi super avec le monde du DVD, c'est que on ressort des choses et puis on se retrouve avec des choses sous le nez et puis on se dit « Ah tiens, ça je l'ai pas vu, peut-être qu'il faudrait que j'aille le voir. » Et là, on se rend compte qu'en fait, bah on s'était trompé et puis on est content de que quelqu'un à un moment donné bah, se soit dit « Allez, vas-y, je ressors ça » parce que du coup, voilà, on découvre un truc à côté duquel sinon on serait passé. Et puis en plus, alors, Ce qui est assez super, c'est que sur ce DVD de Rambo First Blood, parmi les bonus, au-delà du making-of et de tout ce genre de choses, vous avez également une fin alternative au film. Et là, je ne vous spoile rien, puisque vous savez qu'il y a eu plein de films Rambo. Donc voilà, vous savez que Rambo, forcément, à la fin du premier film, ne meurt pas. Mais il faut savoir qu'il y avait une autre fin qui avait été tournée, qui était en accord total avec le roman duquel le film est adapté. Une fin dans laquelle Rambo mourait, en fait. Voilà. Et cette fin, elle est disponible sur le DVD en bonus. Et c'est bien d'avoir accès à ça aussi, parce qu'on se rend compte que voilà, Rambo aurait pu être vraiment un grand film tragique. Moi, personnellement, j'aurais aimé que Rambo se termine avec cette fin alternative. On n'aurait pas eu une saga, mais pour moi, on aurait eu vraiment un chef-d'œuvre du cinéma américain, une grande tragédie sur ce que l'on devient après avoir été utilisé par un pays et jeté à la poubelle. Enfin, c'est vraiment, voilà, j'en perds ma voix, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc Rambo First Blood, Studio Canal, Ted Kotcheff, 1982, magnifique. Mais moi, c'est un film dont j'adore parler parce que justement, tout le monde pense que Rambo, c'est ce mix d'hémoglobine et testostérone. Mais moi, je pensais alors ça. Alors qu'en fait, hein, le Rambo 1, First Blood, c'est le 2 et le 3, c'est ça, mais le 1, c'est... C'est un film des années 70, perdu dans les années 80, c'est ça, c'est au tout début, ouais, des années 80, et en fait, c'est une sorte de taxi driver, c'est ça, en fait, c'est vraiment un taxi driver dans le monde rural, quoi, américain. Donc, ça me fait plaisir que Clément, tu aies adhéré à ce film et que tu aies vu ce que c'était vraiment. Ah, tu l'as vu pour ce qu'il était vraiment. Bah oui, et puis j'espère que les gens qui nous écouteront auront la curiosité d'aller découvrir ça. Mais je crois d'ailleurs que, puisqu'on parle de la guerre du Vietnam, il y a un autre film qui fait écho à cette période-là de l'histoire américaine, qui est ressorti en 2020 et qui, toi, t'as beaucoup marqué. Ouais, c'est un petit film, voyons, ah. C'est une blague, c'est un petit film de Michael Cimino qui s'appelle En français, Voyage au bout de l'enfer. En anglaise, Deer Hunter, le chasseur de daims. Et voilà, bon, c'est évidemment une blague. C'est un énorme classique du cinéma américain, du cinéma mondial même. Si on me demande quel est mon film préféré, évidemment, j'ai pas de réponse, tellement j'aime beaucoup de choses, mais celui-là. Quand même, t'as un début de réponse. Hein. Celui-là, c'est un début de réponse. Voilà, le Voyage au bout de l'enfer, je trouve que c'est un film sublime, voilà, qui dure, je sais plus combien de temps, mais au moins 2h30, 2h40 peut-être, que j'ai pu voir en DVD, en salle, plusieurs fois, en DVD, plein de fois chez moi, enfin, ouais, dans des qualités ultra différentes, mais voilà, il est ressorti en 2020, en DVD, dans une belle version. Voilà, dans une belle version. Et voilà, c'est l'histoire, en gros, d'un groupe d'amis, en fait. Imaginez-vous dans les années 60, vous êtes un groupe d'amis, l'un de vous va se marier et on a une séquence de mariage assez mémorable qui dure bien 30-40 minutes hein, à l'échelle du film. Et oui, à l'époque, on prend son temps en fait. C'est du cinéma qui prend son temps et c'est beau en fait. Et on aime voir une scène de mariage comme ça. Et en fait, c'est un film qui parle de l'avant et de l'après-Vietnam, en fait. Donc, on est vraiment... Oui, parce qu'on pense, quand on pense à Voyage au bout de l'enfer, on pense à la guerre du Vietnam, mais au final, c'est quelque chose qui prend très peu de place dans le film. Ouais, c'est juste un pivot dans le film, en fait, qui dure, je pense, 30 minutes grand max, sur 2h30. Et en fait, voilà, l'intérêt du film, c'est qu'est-ce qui se passe avant et après la guerre du Vietnam. Et évidemment, la séquence au Vietnam est très mémorable et probablement c'est ce qui a fait la popularité du film, ce qui le rend connu. Il faut parler des acteurs. C'est une scène de roulette russe très connue, très très connue. Mais voilà, vous avez des acteurs incroyables, évidemment, comme Clément le dit, Robert De Niro, John Savage, Christopher Walken et un acteur qu'on aurait aimé... découvrir dans plein d'autres films qui s'appelle John Cazale mais qui malheureusement est décédé d'un cancer très tôt qui a une carrière incroyable. Enfin, en fait, il a fait 4 films. Il a fait Voyage au bout de l'enfer, Le Parrain, Le Parrain 2 et Un après-midi de chien, quoi. Et il était belle filmographie. Il était en couple avec Meryl Streep qui joue dans le film justement. Et ah, ils étaient ensemble. C'est assez incroyable comme histoire. Et enfin, vraiment, ce mec. Je vous conseille un documentaire qui existe sur ce mec qui s'appelle je sais plus. Oh, on va retrouver le titre. Mais bref. Il y a un documentaire qui existe. On le mettra dans la description. Un documentaire sur John Cazale parce qu'aux États-Unis, vraiment, Le Parrain, c'est dans la culture vraiment très populaire. Tout le monde connaît Le Parrain par cœur. Et dans le documentaire, il y a un truc assez drôle, c'est que les réalisateurs montrent une photo de ce mec dans la rue à des gens et tout le monde dit John Cazale. C'est ce mec dans, enfin ils ont le nom du personnage dans Le Parrain, c'est très beau. C'est celui qui joue l'avocat de la famille, hein, c'est ça? Non, c'est qui a été remplacé par James Caan après. Non, c'est un des frères. Ah, c'est un des frères. Pardon. Mais bref, voilà. Du coup, Voyage au bout de l'enfer, voilà, c'est magnifique. Tout a été dit sur ce film. Enfin, j'ai pas besoin de. Non, vous pouvez lire. Vous pouvez trouver tellement de choses intéressantes sur Internet. Vous pouvez lire un de mes critiques favoris qui s'appelle Jean-Baptiste Auré, voilà, qui a parlé de façon. Big up. Big up Jean-Baptiste Auré, qui a parlé de façon, mais on parlera jamais aussi bien que lui de Voyage au bout de l'enfer. Il est parti sur les routes avec Cimino. Il a écrit un livre. Il faut parler de ce livre aussi. Il est parti sur les routes avec Michael Cimino, peut-être une année avant que Cimino décède. Moi, je l'ai vu à Paris, Cimino présenter un de ses films et je m'attendais pas à ça. Enfin, il est mort un an après, quoi. Ouais, quelques mois après, vraiment. Il est parti assez jeune. Et du coup, voilà, ce livre est assez magnifique de Jean-Baptiste Auré. Et puis, si vous ne lisez pas ce livre, trouvez Le cinéma américain des années 70, qui est un livre magnifique de Jean-Baptiste Auré sur tout ce cinéma-là, Scorsese, De Palma, Coppola, enfin tout le nouvel Hollywood. C'est sublime et toute la conclusion, c'est genre 10 pages ou 15 pages sur Voyage au bout de l'enfer, qui est clairement un de ses films de chevet comme moi. Et voilà, c'est un film magnifique à découvrir, à redécouvrir. Enfin, on s'en lasse pas. Ouais, on s'en lasse pas du tout. Mais le DVD, ça n'est pas que du film ancien, du film d'avant, comme on vient de parler. C'est aussi du film récent, c'est aussi l'occasion de revoir chez soi des films qu'on a pu ne pas pouvoir voir ou rater tout simplement en salle. Et donc ce soir, moi je voulais parler de quelques sorties de 2020 qui concernent des films récents. Alors notamment « Tu mérites un amour » d'Avia Herzi, qui est sorti chez Arte Éditions. Alors, on a parlé de Normal People tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui veulent encore un peu plus d'amour, allez voir ce très, très beau film d'Avia Herzi. En bonus, vous aurez également un court-métrage de la réalisatrice. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Tout simplement, voilà, si vous voulez de l'amour, allez voir, allez trouver « Tu mérites un amour ». Il y a aussi en 2020 Martin Eden qui est sorti en DVD chez Lacsud, un film de Pietro Marcello. Alors là aussi, en quelque sorte, ça fait un petit peu écho à Normal People, je me rends compte maintenant en parlant, dans le sens où c'est encore une fois l'histoire d'un homme qui, par amour pour une femme, va donner à sa vie une certaine direction. Voilà, c'est un film que moi j'ai trouvé vraiment magnifique. C'était un des plus beaux films de 2019. Il est ressorti, il est sorti en DVD l'année dernière. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, allez-y. C'est très très beau. Malheureusement, il n'y a pas tellement de bonus hein, pour accompagner ce film. Et puis enfin, moi de mon côté, toujours, je voulais aussi vous conseiller un film qui s'appelle An Elephant Sitting Still. An Elephant Sitting Still, pardon, excusez-moi, je commence à bafouiller, de Hubo, qui est sorti chez Capricci. Alors je triche un peu parce qu'il est sorti en DVD toute fin 2019, mais vraiment, c'est un film magnifique. C'est un film d'une tristesse infinie. Vraiment, il ne faut pas chercher un feel-good movie si vous dites que vous allez voir une Elephant Sitting Still, mais c'est tellement beau. Et puis surtout, vous ne verrez pas d'autres films de Hubo, étant donné que Hubo s'est suicidé après avoir fait An Elephant Sitting Still. Donc voilà, c'est le seul long métrage que vous pourrez voir de ce réalisateur. Et si vous achetez le DVD, vous pourrez voir un court métrage inédit de ce réalisateur que je crois Jean, qui est avec moi, a vu. Ouais, il est très beau, mais dans voilà. Tous les cas, n'ayez pas peur de la durée du long métrage. Oui, c'est un film très long, mais vraiment, c'est magnifique, donc voilà, si jamais vous avez déjà vu tout ce dont on vous a parlé, courez sur An Elephant Sitting Still, c'est vraiment un beau morceau de cinéma, et on aurait aimé voir d'autres films de Hubo, mais bon, ce ne sera pas possible, mais c'est pas grave. Jean, est-ce que tu voudrais parler d'autres films qui seraient sortis en DVD ou en Blu-ray en 2020 ? Bah, vous avez une ressortie en DVD d'un des premiers films de David Cronenberg, qu'on aime beaucoup ici, il s'appelle Frisson, Shivers en anglais, voilà, qui est disponible, je pense, en lien avec la sortie DVD sur Netflix. Ouais. Donc, si vous avez Netflix... tapez frisson, vous allez être surpris. Au singulier Frisson, comment ça? Au singulier ou au pluriel? Frisson au pluriel, frisson oui, avec un S. Ouais. Si, si vraiment vous connaissez probablement Cronenberg, Frisson, c'est un de ses premiers films. On est dans la vague de Cronenberg où c'était encore des films vraiment à la limite de l'exploitation en fait. Hein. On était dans les films de genre, d'horreur, avec très peu de budget. Cronenberg est toujours resté dans le genre hein, ouais, d'ailleurs. Il est toujours resté dans le genre, mais là vraiment, c'est une époque où il y a très peu de budget et c'est assez incroyable. Moi, quand j'ai découvert Frisson, vraiment, ça a été un choc. Enfin, je me suis dit, c'est quand même assez génial parce que j'avais vu les premiers films de Cronenberg qui étaient assez intellectuels, dans un style très particulier, dans le milieu scientifique, etc. Et là, on est vraiment dans l'horreur pure. Enfin, vraiment, là, il a abandonné tout son côté étudiant des sciences, etc. On est dans le film d'horreur pure. Voilà, on est dans une sorte de centre aéré où voilà, il y a une invasion de sensu, je ne sais même pas comment décrire ça, mais toujours très corporel. Hein. Oui, toujours dans le corps. Toujours quelque chose qui suscite un peu le dégoût. Mais voilà, c'est un film que vous pouvez trouver sur Netflix qui est vraiment pour moi assez génial, ça vaut le coup. Ok, super. Ah, je vois que nous venons de recevoir un mail. Ah ben ça tombe bien parce que de quoi c'est l'heure, Jean? C'est quoi? Ah, c'est l'heure de messages personnels. Allô? Messagerie Orange, bonjour. Allô? La personne que vous essayez de joindre n'est pas Allô? Disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Allô? C'est ridicule. Merci de patienter, nous traitons votre demande. Allô? Le numéro que vous avez demandé. Madame, que voulez-vous que j'y fasse? Ou n'est pas accessible. Vous êtes très désagréable. Mademoiselle, on me sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de se retirer. Alors, Jean, puisque j'en ai assez de parler, ça va me laisser quelques secondes de répit pour nous resservir à boire. Veux-tu bien expliquer à nos auditeurs le concept de cette rubrique « Message personnel » ? Eh bien, non, « Message personnel », c'est vous, c'est d'autres personnes qui nous écrivent, qui nous envoient des mails pour nous faire part de leurs petits problèmes, de leurs petits tracas. Et on répond à ces messages avec une sélection de films qui semblent coller avec leurs petits problèmes. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une demande de Greta. Greta a 18 ans, elle est suédoise et elle nous a envoyé un mail il y a quelques jours. Jean, c'est moi qui... Oui, c'est moi qui m'y colle. Oui, ouais, très bien. Bonjour Jean, bonjour Clément. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour le cinéma. J'habite en Suède et comme vous le savez, nous n'avons pas encore été confinés. Attends, ils ont jamais été confinés en Suède? Je crois pas, non. Ils ont pas le corona? Non. Ouais, ils sont toujours en avance. Attends, hein. Mais... Bon, ok. Cependant, le bruit court qu'un nouveau variant... Ah, bah voilà, là, ils sont dans la merde. ...serait apparu ici dans une ferme près de Kalmar, merci. Et qu'il serait très contagieux et très mortel. Alors, si ça se vérifiait, et si pour la première fois ici en Suède, on se retrouvait confiné, comme vous l'avez déjà été deux fois chez vous en France, je voulais vous demander... Quel film je pourrais regarder pour me préparer au confinement? Merci les garçons. Signé Greta. Alors. Merci Angela. Oui, je sais, mon accent suédois est. Ouais, il est presque allemand. Il est presque allemand, oui, ça fait un peu Hans Gruber, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il n'y avait pas LV2 suédois dans mon lycée, malheureusement. Donc, Greta, ce soir, moi, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on lui dit à Greta? Qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce qu'on lui conseille après avoir remis les potards au bon niveau? Moi, Alors moi, je vais te dire, Greta, ce que j'ai fait au moment du premier confinement, le grand confinement. Tu veux dire celui de mars ? Oui, enfin le premier quoi. Le premier quoi, ouais. le premier, le vrai confinement, celui qui nous a mis mal. Celui qui nous a mis très très mal. Eh ben, oula. Moi, au moment du premier confinement, je me suis retrouvé à revoir le premier prime de Love Story, qui est en ligne sur YouTube. Ouais. Qui est incroyable, hein, vraiment. Vraiment, c'est comment dire. C'est une perle. Si tu t'apprêtes à te confiner avec, je sais pas, une dizaine de personnes ou même juste ta famille, si tu t'apprêtes à vivre une période plus ou moins longue, on sait pas, hein, parce qu'on sait jamais avec le confinement, enfermé avec des gens... Avec Laure, avec Aziz, avec Loana, Jean-Edouard, Kenza, Christophe. Voilà, peu importe avec qui, tu peux regarder ça. Et puis, en fait, surtout, bon, parce que là, je recycle un peu un truc que j'avais déjà conseillé aux gens au moment du premier confinement. Tu peux regarder une série de ce mec qui a fait plus tard cette série... Black Mirror, voilà. Charlie Brooker, voilà. Une série qui s'appelle Dead Set, qui en fait se passe dans le cadre du loft anglais, donc de Big Brother. Sauf que en fait, le principe de Dead Set, c'est qu'il y a une apocalypse zombie en Angleterre. Et les seuls gens qui survivent, bah, c'est les gens qui sont enfermés dans le loft. Mais voilà. Lui, il a tout compris à l'avance. Hein, bah voilà, il a tout compris à l'avance. Donc si jamais tu t'apprêtes à te confiner avec des gens, regarde le prime de Love Story, regarde Dead Set. Là, voilà, t'auras un petit kit de survie à l'usage de la confiner en compagnie d'autres gens. En revanche, si tu te sens d'humeur rebelle, parce que je crois savoir, Greta, que tu es une grosse rebelle, tu peux regarder, sinon, Le Hussard sur le Toit, un film de Jean-Paul Rapneau avec... Isabelle Binoche, voilà, exactement, Isabelle Binoche. Isabelle hein. Binoche, mais elle est reliée à Juliette. Juliette, voilà. Hein, tu peux regarder Le Hussard sur le Toit avec Juliette Binoche, avec Vincent Pérez, qui est d'ailleurs pas un mauvais acteur, hein, je pense qu'on peut le dire ce soir, qui est un acteur qui a quitté trop vite les écrans, mais parce que je crois mais qu'il mais il n'a pas quitté Halle Berry, je crois. Voilà, c'est ça, en fait, il s'est marié avec Halle Berry, et puis bon, bah voilà, bon, il fait moins de films maintenant, mais... En tout cas, il a fait des très beaux films à l'époque, et notamment Le Hussard sur le Toit. Et Le Hussard sur le Toit de Jean-Paul Rapneau, si jamais tu veux te rebeller contre toutes ces mesures coercitives qui t'empêchent de sortir de chez toi, de circuler, les attestations, les couvre-feux, tout ça, eh ben regarde Le Hussard sur le Toit, ça va te donner une belle leçon de liberté. Et si jamais tu te confines toute seule chez toi... je te conseillerais tout simplement de regarder ce très beau film de Chris Columbus, hein, produit par John Hughes, le grand John Hughes, qui malheureusement... Scénarisé par John Hughes. Voilà, scénarisé et produit par John Hughes. Maman, j'ai raté l'avion, hein, ce film auquel ce soir, dans Home Alone, on doit quand même rendre hommage, parce que Jean, Home Alone, c'est Maman, j'ai raté l'avion, voilà. En français, voilà. C'est notre film d'enfance à tous, je l'espère, qu'on a vu maintes et maintes fois. Voilà. Et donc, si jamais tu t'apprêtes à te confiner toute seule, si jamais tu es un peu déprimée à cette idée-là, eh ben, tu regardes Maman, j'ai raté l'avion et tu vas voir tout le plaisir qu'on peut tirer à se retrouver tout seul ou toute seule dans une grande maison. Et maintenant, je vais laisser le micro à Jean pour qu'il te donne ses conseils. Comment laisser des pièges aux livreurs des Deliveroo ? Oui. Mais bon, après, faut être gentil avec les livreurs des Deliveroo. Mon livreur, c'est pas Joe PJ. Hein. Personnellement, j'ai pas mais eu affaire à Daniel Cherno. Kevin se fait livrer des pizzas. Hein. Et d'ailleurs, il met la bande de ce film fictif qu'ils ont tourné pour le film avec le gros cul dégueulasse. Avec ton gros cul dégueulasse. Avec ton gros cul dégueulasse. Voilà. Bon, bref. Greta, voilà, je pense que moi, de mon côté, je t'ai donné tout ce qu'il te fallait. Je laisse le micro à Jean pour qu'il te dise quoi regarder en prévision d'un confinement. Bah, moi, j'ai pas de film là, comme ça qui m'est venu en tête. Ah bon ? Pourtant, il y en a beaucoup. Hein. On peut penser à plein de choses. Hein, mais j'ai envie de parler de musique. Je sais pas ce qui me prend là. J'ai envie de parler de musique là. Vas-y. Bah, du coup, je vais parler d'un album que j'ai écouté en boucle depuis qu'il est sorti. Je ne sais pas quand, mais en milieu d'année 2020, on va dire. Peut-être en octobre. Voilà, c'est un album d'une artiste française qui s'appelle Ok Lou. Okelou. O-K-L-O-U. Ouais. Exactement, mais tu as l'oreille, toi. Ah, je tente de décrypter tes paroles. Genre. Ouais. Et Okelou, ouais, c'est une artiste française, voilà, qui nous propose de la musique depuis quelques années déjà. C'est quoi comme genre de musique? C'est ambiant, planant, électronique. Je ne sais pas comment le décrire, mais Ça va détendre, Greta. En tout cas, c'est dans les émotions, vraiment. On est vraiment dans un truc, voilà, qui te procure des émotions. Uh-huh. Et qui reflète un peu ta vie actuelle probablement. Et ta future vie si jamais tu te retrouves confiné. Mais voilà, c'est un album qui s'appelle Galore, G-A-L-O-R-E, et que vous pouvez trouver sur internet, sur toutes les plateformes, qui est incroyable, que j'ai écouté en boucle et vraiment c'est le meilleur moyen. Enfin voilà, regardez Dead Set. Et voilà, Dead Set, c'est rapide à regarder. Hein. C'est quoi? C'est six épisodes. Voilà. Et ensuite, vous avez fini Dead Set, vous faites quoi? Bah, vous mettez votre casque, vos écouteurs intra-auriculaires et vous écoutez l'album Galore de Okelou. Et vous allez être conquis, vous allez vous endormir. Vous n'aurez peut-être pas écouté tout l'album, puis, du coup, mais... Avec un peu de chance, vous vous réveillerez peut-être dans un monde sans corona. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Bah, Greta, écoute, j'espère que ces conseils t'aideront à passer le cap de ce peut-être futur éventuel confinement qui te menace. Voilà, on t'embrasse, hein, Greta. On t'embrasse, Greta. Voilà. Et si, comme Greta, vous n'êtes pas bien et que vous cherchez un remède filmique au mal qui vous ronge, n'hésitez pas à nous envoyer vos symptômes à l'adresse homealonecinema@gmail.com et le docteur Jean et moi-même, nous vous prescrirons le film qu'il vous faut en fonction du mal qui vous ronge. Ou la musique. Oui, ou la musique, parce que dans Home Alone, on n'est pas sectaire, hein. C'est-à-dire que on aime le cinéma, mais on aime mélomane, on est cinéphile, on est tout ce que vous êtes. On est tout ce que vous êtes. Et voilà, par exemple, votre boss vient de vous annoncer que votre CDD ne serait pas reconduit. Vous avez eu la main un peu trop lourde hier soir et vous êtes en maxi gueule de bois. Hein, pas vrai, Jean? On connaît ça. Un peu. Quelle que soit la situation de merde dans laquelle vous êtes, nous aurons ce qu'il vous faut. Mais pour l'heure, avant d'aborder notre dernière recommandation de l'émission, élargissons pendant quelques minutes le champ de la discussion avec les chroniques de... Linterlace. Oh, il l'a si bien prononcé que je vais pouvoir... Je parle anglais couramment, je suis né en Angleterre. Non, je ne suis pas né en Angleterre, je suis né en France. Jean nous dévoile beaucoup de choses sur lui-même, je pense que c'est le moment de lancer... Mais j'aime bien l'anglais. Le générique. Plus que l'espagnol. À tout de suite. Papa, tu as un courrier électronique. Oh putain, ça... Vieux, c'est le Darknet. Plus personne ne quitte la maison de nos jours. On n'a plus de relations sexuelles. L'Internet, le condom le plus fiable. C'est stupéfiant. Ouais, c'est vraiment génial, hein. Qu'est-ce que c'est que la Matrice? La Matrice est la simulation d'un monde imaginaire. Créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle. C'est bon, j'en ai plein cul, on va pas rentrer dans son jeu, on va arrêter de se faire emmerder. Prenez vos téléphones, coupez vos micros. Bienvenue dans le désert du réel. Là, ça fait peur tout ça, le désert du réel. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de son œuvre, je sais que Jean, notamment, avait... Moi, je connais pas trop. Moi. Un peu soulevé les sourcils quand j'avais... Non, mais raconte-moi l'Interlace, c'est quoi? Voilà, alors, l'Interlace, c'est une invention... L'Interlace. C'est une invention sortie de l'esprit de David Foster Wallace au début des années 90, alors qu'il écrit Infinite Jest, l'infinie comédie, son roman fleuve. Alors l'Interlace, c'est quoi? L'Interlace, c'est un réseau infernal qui diffuse dans les foyers du monde entier des programmes visant à endormir les populations à grands coups de divertissement. Ça vous rappelle quelque chose, non hein? L'Interlace, bah voilà. Hein. Ça ressemble à Internet. En exactement, fait, hein. L'Interlace, c'est ce qui est devenu Internet. Et chaque mois, dans les chroniques de l'Interlace, on a décidé de prendre quelques minutes pour essayer de penser un peu au streaming, à comment il habite nos vies, à ce qu'il change de notre rapport au film. Bref, quelques minutes pour discuter d'une question qui touche au streaming. Et pour ce premier numéro des chroniques de l'Interlace, Jean, de quoi va-t-on parler avant de partir dans de grands débats philosophiques sur l'avenir du cinéma et les espèce humaine, hein, de quoi va-t-on parler? Bon, on va parler des plateformes françaises, en fait, mais tout oui. simplement. Mais oui, parce que bien trop souvent, Jean, n'est-ce pas, on associe le mot streaming au mot Netflix, alors qu'il y a tout un tas d'acteurs dans la cartographie du streaming qui existent et dont on ne parle pas assez. Et donc, voilà, ce soir, dans les chroniques de l'Interlace, on s'est dit que pour commencer, on allait vous parler de tous ceux que vous ne connaissez pas forcément, tous ces acteurs, toutes ces plateformes 100% Made in France qui vous proposent des films et que nous, on a trouvé intéressantes. Cocorico. Eh oui. Eh oui, on parle de France ici, on parle de plateformes françaises. La France aux Français. Et vas-y Clément, parle-nous de la première plateforme. Ah, alors, la première d'entre toutes. Pour moi, c'est Outbusters, une plateforme créée en 2016. Alors, comment ça fonctionne Outbusters ? Outbusters, c'est une plateforme française qui propose des films qui ne sont pas sortis au cinéma et jamais. Qui collent complètement avec France, le concept de notre émission. Voilà. C'est-à-dire que nous, ici, on aime bien parler de films qui ne passe pas au cinéma. Voilà. On ne parle pas du coronavirus, hein. On parle de films vraiment qui ne sortent pas au cinéma. Et donc, Outbusters, vraiment, a cette idée de promouvoir des films de toutes les nationalités, vraiment. Toutes les nationalités, tous les genres. Quand voilà. On va sur le site, c'est vraiment ça. Il y a très peu de films américains, très peu de films français. On a beaucoup de films asiatiques, beaucoup de films. Voilà, vous trouvez des films suédois, roumains, bulgares. La Roumanie. Voilà, vous avez toutes les nationalités. Mais où est-ce qu'ils les trouvent, ces films? Bah en fait, il se base sur l'algorithme en fait de Sens Critique, un site français bien connu qui permet sur Sens Critique, vous pouvez dire que vous avez envie de voir un film, vous pouvez recommander un film à des amis, vous pouvez faire beaucoup de choses sur Sens Critique. Ouais. Et du coup, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils surveillent Sens Critique et ils repèrent les films qui font parler d'eux. Et du coup, en fait, ils les rajoutent à leur catalogue, c'est ça ? Exactement, ouais. Ils recherchent les petites perles rares, voilà. C'est les films dont vous entendrez justement jamais parler. Ou en tout cas, aussi les films dont vous entendrez parler, mais qui sortiront pas forcément. Et parmi ces films, alors, qu'est-ce qu'on trouve sur Outbusters ? Ah, qu'est-ce qu'on trouve sur Outbusters ? Bah, on trouve des films qui, personnellement, moi et chez Clément nous ont marqué hein, vraiment. On parle de films comme The Greasy Strangler qui est vraiment un film dont on vous reparlera qui est hyper important à nos yeux, voilà. Et on parle de films comme I Am Not a Serial Killer, ah oui, qui alors est là, aussi important à nos yeux, vraiment. Mais on est des gros cinéphiles, on est des cinéphiles éclectiques qui aiment tous les genres. Vraiment, du moment que c'est bon, en voilà, fait. Et qu'on parle de Chabrol, d'un film d'horreur pointu américain, enfin pointu parce qu'il n'est pas connu, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est pointu, mais bon, bref. On aime tout. On aime tout le cinéma, nous. Et vraiment, là... Il y a beaucoup de cinéma qu'on aime sur Outbusters. Quand on retrouve des films comme ça qui nous ont marqués ces dernières années, là, des films de genre et tout, qu'on les retrouve sur Outbusters, vraiment, on est content, en fait. Parce que en fait, il n'y a pas de plateforme qui les... Il y a peu de plateformes qui les révèlent, ces films. Et là, Outbusters, bah, il fait ce boulot, en fait. Donc, Il faut un vrai boulot de recherche, ouais. Ça coûte 6€ par mois, voilà. Sachant qu'il y a 7 jours offerts, donc vous pouvez vous faire un compte, vous pouvez regarder si vous trouvez votre beurre ou pas. Allez-y, partez à la recherche de ces films que de toute façon vous ne pourrez pas voir ailleurs, et puis bah, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Non, vraiment, si on devait résumer Outbusters, si vous avez l'impression d'avoir vu tout ce qui se fait, en fait, C'est une plateforme sur laquelle il y a très peu de films américains, très peu de films français aussi d'ailleurs. Et vraiment, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir voir des films dont vous n'avez jamais entendu parler, qui sont principalement asiatiques. Et vous avez aussi toute une part de films européens de type suédois, danois, bulgare. Voilà, c'est l'occasion de découvrir des films totalement inconnus et assez génial. Enfin, on n'a pas vu tout ce qui passait sur la plateforme. Non, bien sûr, mais clairement, on a vu suffisamment de choses qui nous donnaient envie pour vous en parler. C'est ça. Voilà. Et puis alors pour enchaîner parce que voilà, il n'y a pas que les pépites introuvables dans la vie, il y a aussi les films cultes. On voulait vous parler aussi de la Cinéthèque. Alors la Cinéthèque, c'est quoi? C'est une plateforme qui a été créée en 2015 à l'initiative de trois cinéastes français, Pascal Ferrand, Laurent Canté et Cédric Clapiche. Et donc ça se présente comme quoi? Ça se présente comme la Cinémathèque des réalisateurs, c'est-à-dire que ils invitent des réalisateurs à faire des listes de leurs films préférés et à partir de ça, ça leur sert de base pour constituer leur catalogue. Et ensuite, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que si vous vous abonnez à la Cinéthèque, tous les mois, vous allez avoir une sélection de 10 films autour d'un thème. Et alors, ce mois-ci, Jean, c'est quoi le thème? Le thème, ce mois-ci, c'est passion au pluriel. Passion avec un S. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans Passion au pluriel? Donc Passion, on parle d'histoires amoureuses, on parlait de Normal People tout à l'heure, on parle de vraies histoires d'amour, de belles histoires d'amour. Mais dans cette possibilité, il y a beaucoup de choses possibles dans l'histoire d'amour. Oui. C'est en l'occurrence, moi j'ai repéré un film de Fassbinder qui s'appelle Tous les autres s'appellent Ali, en français. J'ai pas le titre allemand et c'est pas grave. Je vous le dirai pas, mais je parle allemand, mais je vous le dirai pas. La prochaine fois. Du coup, c'est un film qui m'a marqué personnellement. Je l'ai vu très jeune. Je l'ai vu à quel âge? Je l'ai vu à 16 ans, je pense. Ah oui. Et vraiment, Fassbinder, c'est un mec que j'ai envie d'explorer depuis longtemps, que j'ai pas fait pour l'instant, et je le ferai très prochainement. Mais en tout cas, Tous les autres s'appellent Alice, c'est un film magnifique. C'est l'histoire de l'amour entre un jeune homme noir qui rencontre une femme plus âgée en Allemagne, et c'est juste sublime. Fassbinder, il a vraiment un style qui est propre à lui, qui est très très beau, et je peux pas vous en dire beaucoup sur le film, juste découvrez-le, et n'hésitez pas à aller sur la plateforme pour le découvrir, et c'est très très beau. Ouais, moi, dans cette sélection Passion de ce mois-ci, moi j'ai vu deux films que j'ai déjà vu aussi, mais dont quand j'ai vu les titres, j'ai eu très envie de les revoir. C'est Chambre avec vue de James Ivory et Le temps de l'innocence de Martin Scorsese. Alors Le temps de l'innocence de Martin Scorsese, pour ne parler que de celui-là, c'est un film qui vous donnera une autre image de Martin Scorsese. Enfin, si vous pensez que c'est vraiment quelqu'un qui fait que des films sur la mafia, les criminels, tout ça, eh ben non, vous pourrez voir que c'est aussi quelqu'un qui peut faire parfois un grand film d'amour avec Daniel Day-Lewis, avec Winona Ryder, avec Michelle Pfeiffer. Et voilà. En gros, voilà ce que c'est la Cinéthèque. La Cinéthèque, c'est l'occasion de voir ou revoir des films cultes, des films qui sont des jalons dans l'histoire du cinéma. Donc, si jamais vous nous écoutez, mais que vous vous dites « Oh là là, ceux-là, ils ont tout vu et moi, j'ai rien vu », eh ben la Cinéthèque, c'est 3 euros par mois, pareil, 7 jours offerts, vous avez le temps d'essayer. Et la Cinéthèque, c'est l'occasion, soit de revoir des films qu'on a déjà vus et qu'on a beaucoup aimés et qui comptent dans l'histoire du cinéma, soit l'occasion tout simplement de combler des trous dans sa culture cinématographique. Et de toute façon, la culture cinématographique, c'est comme un gruyère. C'est très large. C'est toujours plein de trous. Il y a toujours moyen de découvrir des choses. Voilà, on a tous des trucs qu'on n'a pas vus. Et ce qui est super, c'est que la Cinéthèque, pour quasiment trois fois rien, Ça vous permet de voir ces films que vous avez peut-être ratés et vous êtes sûr de voir des grands films. Et donc, si jamais ça vous tente, voilà, vous allez sur Cinéthèque, vous faites un petit abonnement, vous essayez et puis vous nous en direz des nouvelles. Mais en revanche, si jamais vous n'êtes pas tellement intéressé par le cinéma d'auteur, par les grands films avec un grand G et un grand F, si jamais tout ce qui vous intéresse, c'est de frissonner devant votre écran, on a aussi ce qu'il vous faut. Et on va vous parler maintenant de deux plateformes qui s'appellent Shadows, avec un Z, et Freaks On. Alors, Shadows, c'est quoi Shadows, Jean ? Parce que nous, on aime beaucoup les films d'horreur, clairement, on en a vu beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Et Shadows et Freaks On, voilà, on est sur deux plateformes qui proposent des films d'horreur, des films de genre, voilà, au sens large. Hein. On n'est pas forcément dans l'horreur pure hein, tout le temps. Hein, mais... C'est pas que de l'horreur. Enfin, par exemple, moi, un film que j'ai vu sur Shadows, et qui a beaucoup compté dans mon adolescence, c'est Battle Royale. On ne peut pas appeler ça forcément un film d'horreur, mais voilà, quand j'ai vu ça au milieu de tout le reste, je me suis dit c'est super, en fait, je viens pour voir, Halloween ou Ring, et puis en fait, je me rends compte qu'il y a aussi Battle Royale, et c'est ça qui est super. Donc voilà, Shadow, c'est des classiques, hein, c'est des classiques, mais c'est pas que des classiques, c'est aussi des films assez récents. Par exemple, moi, je sais que j'ai vu qu'il y avait Mr. Babadook, hein, que j'ai découvert cette année, justement en allant sur Shadows, et que j'avais pas vu, et que vraiment je suis très très content d'avoir vu, parce que j'aime beaucoup cette actrice, Essie Davis. C'est un film que j'aime pas beaucoup, mais je suis totalement ouvert à la discussion sur ce film, justement. Voilà. Mais je sais qu'il y a un film que tu as beaucoup aimé qui s'appelle What We Do in the Shadows aussi, qui est un film récent de genre et qui a donné lieu à une série que tu aimes encore plus. Ouais, vraiment, là, on parle d'un film fait par, comment il s'appelle, Taika Waititi et Jemaine Clement, qui sont des Néo-Zélandais qui sont devenus... ultra connu depuis quelques années là, parce que Waititi a fait un des Thor, Thor Ragnarok, et ensuite qu'est-ce qu'il a fait, il a fait ce film là, Jojo Rabbit, que j'ai pas beaucoup aimé, mais en tout cas pour moi leur film essentiel, What We Do in Shadows, qui est assez incroyable, et la série qui est à moitié réalisé par Waititi et par d'autres gens, je crois, vraiment, qui développent, ils ont une idée par épisode qui est assez incroyable. Enfin, vraiment, j'ai rarement ri autant devant... Déjà, j'avais ri beaucoup devant le film. Ouais. Mais alors là, devant la série, vraiment, regardez-la. Hein. C'est sur FX, je crois. Du coup, en France, je ne sais pas sur quelle plateforme. C'est quelque part. Je suis sûr que c'est quelque part. Mais ça doit être sur Canal, probablement. Mais, c'est très certainement sur mais Canal. Mais vraiment, c'est d'une inventivité assez infernale, impressionnante, quoi. Vraiment, je comprends même pas comment il peut avoir autant de bonnes idées à l'épisode. Vraiment, j'ai ri comme jamais. Et à côté, pour moi, enfin, personnellement, Jojo Rabbit fait pas le figure. Enfin, vraiment, on est dans un autre domaine, on est dans la comédie, alors que Jojo Rabbit, on est dans le drame, et ça marche peut-être moins bien pour moi. Peut-être mieux pour vous, je ne sais pas. Mais En tout cas, What We Do in the Shadows, ça marchait, et c'est sur Shadows. Mais on parle de Shadows, coup, sur Shadows, vous pouvez trouver vraiment, j'ai regardé le catalogue, c'est vraiment un catalogue hyper fourni, où vous pouvez retrouver tous les classiques, que ce soit Argento, De Palma, Carpenter. Tous mes cinéastes, en fait, de chevet, quoi. En fait, tous les cinéastes que j'aime le plus, quoi, vraiment. Et en même temps, des petits des pépites récentes comme vous pouvez retrouver Bone Tomahawk de S. Craig Zahler, un cinéaste dont on vous reparlera probablement un prochain épisode parce qu'on l'aime beaucoup, voilà, qui est jamais sorti au cinéma et qui est c'est assez sublime. Des classiques, des films récents, un beau catalogue pour 5 euros par mois. Ça vaut vraiment le coup, vraiment. 7 jours offerts, pareil. Donc, si jamais vous voulez passer un week-end à explorer Shadows, vous pouvez s'en sortir un seul euro. Et donc, Freaks On, c'est pareil. Ça a été créé en 2020. C'est le même prix, c'est 5 euros par mois. Par contre, là, vous avez 15 jours offerts. Et alors, c'est plutôt pas mal d'avoir 15 jours offerts parce que, avec Jean, quand on a regardé Freaks On, face au catalogue, on était un peu désappointés. C'est-à-dire que, Jean s'y connaît beaucoup plus que moi en cinéma de genre, mais bon, je te laisse parler de leur catalogue. Non, clairement, quand j'ai découvert le catalogue de Freaks On, honnêtement, je ne connaissais rien. Et j'ai l'impression que Freaks On, ils sont plutôt axés sur, un cinéma d'horreur presque amateur, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes français... Vous êtes un réalisateur, vous avez fait un petit film d'horreur en France avec peu de budget. Vous avez de fortes chances d'être diffusé sur Freaks On, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, leur ligne de conduite. C'est on diffuse des mecs qui n'ont pas de plateforme, qui demandent qu'à être vus. Pour le cinéma français, ça a l'air d'être Et je sais pas si c'est beaucoup français, beaucoup étranger ou pas, mais je pense que dans chaque pays, il y a le même combat pour certains réalisateurs d'être vus, de faire des petits films avec peu de budget, Et clairement, si vous allez sur Shadows et que vous avez l'impression d'avoir tout vu, allez sur Freaks On, clairement, vous allez découvrir là, pour le coup, des films que vous n'avez jamais vus. Et je pense que, à l'heure actuelle, les cinémas sont fermés, mais quand vous pensez à toutes les séances spéciales qui existent en France, des choses comme l'absurde séance à Nantes, L'étrange festival. L'étrange festival à Paris, au Forum des Halles. Ça y ressemble beaucoup. Vous allez retrouver des choses vraiment particulières, et je pense que c'est. Si vous êtes vraiment des cinéphages d'horreur, c'est le créneau pour vous, pour découvrir des choses un peu nouvelles. Et vraiment, ça vaut le coup. Ouais, et puis c'est bien qu'il y ait 15 jours d'essai parce que non seulement ça laisse le temps de voir des films, mais ça laisse aussi le temps de voir plein d'autres choses qu'ils proposent parce que c'est vraiment une plateforme qui décide d'aller au-delà des films. C'est-à-dire que par exemple, une fois par semaine, ils font une séance en live avec un chat. Ils organisent aussi des séances en présence des réalisateurs. Ils diffusent aussi beaucoup de bonus autour des films. Ils produisent eux-mêmes toute une série de contenus originaux. Bref, c'est pas juste des films, Freaks On, c'est aussi tout un écosystème autour des films. Vous avez 15 jours pour essayer, pour explorer ça. Si, comme disait Jean, vous êtes des cinéphages et que vous avez l'impression d'avoir tout vu, allez y faire un tour et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé. Voilà. C'est ça, c'est des bonus, mais en live, vous allez voir, c'est assez particulier, mais c'est très très cool. Et on disait avec Clément qu'on connaissait pas les films sur Freaks On, mais on voit ce qui va apparaître bientôt sur Freaks On et on peut voir qu'il y aura l'attaque des tomates tueuses. C'est un classique de l'exploitation, clairement, avec George Clooney dans un de ses premiers rôles. Films, ils vont pas les chercher n'importe où parce qu'ils font un travail de veille dans les festivals, c'est-à-dire qu'ils regardent du côté de Gérard May, tout ça. Oui, c'est ça. Et ils vont sortir Children of the Corn, Les Enfants du Maïs en français, qui est une adaptation de Stephen King, bien connue, qui a donné lieu à moult et moult suites. Moi, j'ai vu le premier épisode il n'y a pas longtemps. Vraiment, ça vaut le coup. Ça sort sur Freaks On bientôt, 2021. Donc voilà, Freaks On pour les curieux. Et on enchaîne sur le documentaire, tiens. On en a parlé un peu plus tôt avec Tank. Tank, c'est quoi ? Tank, c'est des nouveaux films chaque semaine, des films qui restent en ligne pendant 2 mois, donc que des films documentaires. Tanks a été créé par une équipe qui est basée à Lussas, en Ardèche, là où chaque année, il y a les états généraux du documentaire, notamment. Voilà, c'est une manifestation que les férus de documentaire connaissent bien et apprécient beaucoup. C'est un lieu de partage très intéressant. Et donc, voilà, Tank, ils sont basés là-bas. Et Tank, alors, bah, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est Tank, en fait, c'est, Clément ? C'est une plateforme où vous ne trouverez que du film documentaire. Donc, voilà, le documentaire, ce type de film qu'on oppose à la fiction. Hein. La fiction, voilà, c'est quand on tourne des choses qui sont fausses, entre guillemets. Et le documentaire, c'est quand on filme des choses qui sont vraies, entre guillemets. Voilà. Et sur Tank, bah, vous allez pouvoir partir à la découverte, si vous ne le connaissez pas, de ce cinéma-là, ou tout simplement à la découverte de films documentaires que vous ne connaissez pas, si jamais vous aimez déjà le documentaire. C'est une offre qui se propose à partir de 6 euros par mois. C'est peut-être un peu cher pour une offre dédiée uniquement au documentaire, mais ce qui est bien, c'est que le premier mois est à 1 euro. Donc il n'y a pas d'offre gratuite, mais ça veut dire qu'au moins pour le prix d'un croissant ou d'une baguette, pendant un mois, vous pouvez explorer Tank. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé très très bien avec Tank, c'est que vraiment, il y a un gros travail d'éditorialisation. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont créé ce qu'ils appellent une sorte de parcours découverte sur lequel ils proposent 4 films pour approcher ce type de film qu'est le documentaire, où ils montrent un petit peu ce que ça peut être et tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment des gens qui font un gros travail pour mettre en valeur les films qu'ils proposent. On se sent vraiment pris par la main, guidé, et en même temps, il y a plein d'endroits vers lesquels on peut aller quand on est sur leur site. Si jamais voilà, vous en avez marre de voir un petit peu toujours la même chose sur Netflix ou ailleurs, hein, avec des docus qui sont toujours du true crime, le petit Grégory, Tiger King, voilà. Enfin bah, bon. Faut dire une chose, c'est que le documentaire, c'est un genre très faussé. C'est en le sens où. C'est ça. Il faut dire que peut-être en fait, le documentaire, c'est un genre dont les gens ont une image plus restreinte que ce qu'il n'est vraiment. Bah, vous avez probablement une image du documentaire qui est celle de la voix off sur Arte qui vous raconte des Par faits, exemple. Des facts en fait, qui vous donne de Par la exemple. Culture en fait sur des événements. Ça et ou le Making a Murderer, le petit Grégory de Netflix, où à un moment donné ça va être hyper scénarisé ouais. avec du suspense. Voilà, c'est ça. Reconstitution. Sur Netflix, on vous fout du suspense sur des histoires qui existent déjà, qu'on connaît, que certains connaissent parfaitement, d'autres moins, mais en tout cas, on vous fait du suspense sur ça. Voilà. Et le documentaire, il faut savoir que c'est un genre vraiment très large qui clairement peut donner lieu à des formes très très très différentes. Et si jamais et là, vous si voulez, vous allez sur voilà. Tank, vous allez rencontrer des types de documentaires clairement qui vont vous sortir de tout le cliché que vous avez du documentaire de télé ou de Netflix. Et vraiment, enfin, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de voix off qui vous raconte l'histoire, c'est juste des plans pas de voix off ou pas de meurtrier qui vous montrent juste des choses qui se passent en fait, pas hein, de sensationnel, voilà, pas de voilà. sensationnel, ouais. Voilà. Donc si vous êtes curieux du documentaire, allez faire un tour du côté de Tank. Mais alors Jean, depuis tout à l'heure, on dit 6 euros par mois, 3 euros par mois, 5 euros par mois. Alors oui, il y a des jours offerts, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen sur Internet, de chez soi, du fond de son canapé, de voir des films gratuitement et légalement ? Mais si, ça existe. Mais alors, ça s'appelle la médiathèque numérique. Ah, bah notamment. Alors, bah, la médiathèque numérique, comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Alors, la médiathèque numérique. Alors, si vous vivez en France, que vous avez une médiathèque, une bibliothèque près de chez vous. Même à l'étranger. Parce que figure-toi que j'ai regardé sur leur site. Et si vous êtes abonné à la médiathèque de l'Institut français de Tbilissi, vous avez accès à la médiathèque numérique, que vous soyez à Lyon, à Lille, à Dunkerque, à Quetigny, à Pleumeur, dans le Loir-et-Cher. Enfin bref, la médiathèque numérique, il vous suffit d'avoir en gros une carte de bibliothèque et vous y avez accès. Et vous avez accès à quoi ? Vous avez accès à 6 films gratuitement tous les mois avec juste quoi ? Votre carte de bibliothèque. Voilà. Et on trouve quoi comme film sur la médiathèque numérique ? On trouve des films anciens, on trouve des films récents. Et quand je dis des films récents, c'est vraiment des films qui sont sortis en salle très récemment et pas des petits films, hein, des gros films. Genre par exemple, le dernier film avec Marina Foïs, énorme, de Sophie Le Tourneur, il est sur la médiathèque numérique. Si vous voulez voir Effacer l'historique avec Corinne Maziro de Gustave Kervern et Benoît Delépine, il y est. Si vous voulez voir Adolescente de Sébastien Lifshitz, il y est. Donc voilà, enfin, il y a plein de choses. Sur la médiathèque numérique, vous avez accès aux listes dont on a parlé, les listes de la Cinéthèque, voilà, les listes des réalisateurs qui sont sur la Cinéthèque. Vous y avez accès et il y a plein de films qui sont disponibles sur la médiathèque numérique, ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément besoin, pour voir les films préférés des réalisateurs que vous aimez, de vous abonner à la Cinéthèque. Vous pouvez aller directement sur la médiathèque numérique et bam, vous les avez. Et puis aussi, bah, y a des sélections régulièrement de films. Par exemple, à l'occasion du Brexit, ils ont mis une sélection de films anglais. À l'occasion de la mort de Jean-Pierre Bacri, ils ont mis une sélection de 8 films avec Jean-Pierre Bacri ou par Jean-Pierre Bacri, des films qu'il a fait avec Anis Jaoui. Donc, et voilà, et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit, il vous suffit d'avoir une carte de bibliothèque, donc allez-y. Et puis Jean, je crois que en plus toi, tu m'as dit qu'il y a même des choses que tu n'avais trouvées nulle part ailleurs, que tu as trouvées sur la médiathèque numérique. Ouais, exactement, c'est assez impressionnant ce répertoire, vraiment, je sais pas d'où ils le sortent, mais moi il y a des films, vous voyez cette fameuse liste que vous avez de films que vous trouvez nulle part et que vous cherchez, vous chinez ici et ailleurs, voilà, que vous n'avez pas trouvé encore. Et moi, j'ai trouvé des films que je voulais voir depuis longtemps et que j'ai trouvé sur la médiathèque numérique. Par exemple, voilà, je vais donner un exemple. C'est le dernier film de Jerry Schatzberg. Voilà, c'est un mec, un réalisateur américain qui a quand même eu la Palme d'Or. C'est pas n'importe qui, Jerry Schatzberg. Il a eu la Palme d'Or en 73 pour L'Épouvantail. Et c'est un mec, voilà, qui est devenu une sorte de photographe officiel de Bob Dylan, qui a fait les couvertures de enfin, les covers de ses albums les plus connus, dont Blonde, Blonde on Blonde. Voilà, c'est Jerry Schatzberg qui a fait la photo, quoi. Et voilà, j'ai trouvé le film, son dernier film, qui s'appelle The Day the Police Came Back. Un film que tu avais trouvé nulle part ailleurs. Un film, ouais, que j'ai trouvé nulle part ailleurs, sur Internet, en DVD officiellement, légalement, illégalement, introuvable. Vraiment, ce film était introuvable. Et je l'ai trouvé où ? Je l'ai trouvé sur médiathèque numérique, inattendue. Et voilà, c'est un film qui est avec quand même voilà, Guillaume Canet, qui se passe à New York. Et voilà. Un film plutôt joli, mignon, voilà. C'est pas son meilleur film, mais clairement c'est un très très bon film. Et voilà, je l'ai trouvé sur une médiathèque numérique. Et tout à l'heure on parlait des frères Safdie qui ont fait Uncut Gems, et par exemple ils ont fait un documentaire, voilà, dans Uncut Gems, on en a pas parlé, mais il y a un basketteur qui joue son propre rôle, qui s'appelle Kevin Garnett. Oui. Et voilà, c'est un gros basketteur. Si vous êtes amateur de basket, vous le connaissez. Sinon, vous le connaissez pas, mais c'est un gros, gros basketteur. Voilà, c'est équivalent d'un... Bon, c'est pas un Michael Jordan, mais c'est un... Voilà, maintenant, c'est LeBron James qui est un peu la star, mais c'est un équivalent de LeBron James. Et voilà, les frères Safdie ont fait un documentaire qui s'appelle Lenny Cook, sur un basketteur qui s'appelle Lenny Cook, du coup. Et ce documentaire, par exemple, je le trouvais nulle part. Où est-ce que je l'ai trouvé ? Sur la médiathèque numérique. Sur médiathèque numérique, ouais. Vraiment, donc, vraiment. Non, mais c'est hallucinant. Hein. C'est-à-dire que j'ai trouvé beaucoup de films que je cherchais depuis longtemps sur ce site. Et il suffit juste d'être abonné à une médiathèque près de chez vous. Il y a de fortes chances qu'elle soit reliée à ce site. Et voilà, vous allez gratuitement... Enfin, voilà, au pire, vous payez un abonnement pour la médiathèque et vous aurez accès à... à tous ces films et c'est juste génial. Enfin, vraiment, de me dire qu'un film que j'ai cherché depuis tant d'années, je le trouve sur une médiathèque, enfin, c'est improbable, mais c'est beau. Ben oui, c'est beau. C'est le service public. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est la France. Et pour continuer sur la France, on va vous parler de la Cinémathèque française. Parce que la Cinémathèque française, pendant le premier confinement, a lancé sa propre plateforme qui s'appelle Henri. Alors pourquoi ça s'appelle Henri ? Henri, mais pourquoi ? En référence à qui ? Mais c'est en référence à ce grand monsieur qui a été Henri Langlois. Henri Langlois, Henri fondateur Langlois. De la Cinémathèque française. Et donc, c'est une plateforme que la Cinémathèque a ouverte en réponse à la fermeture des salles pendant le premier confinement, je l'ai dit. Et depuis le 30 septembre dernier, cette plateforme est mise à jour toutes les semaines. Voilà, ils ont décidé de continuer l'aventure. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve sur Henri ? Ben, forcément, vu qu'on est à la Cinémathèque, on trouve beaucoup de films de patrimoine, hein, c'est-à-dire des vieux films. On trouve des courts-métrages de Jacques Rosier, des courts-métrages d'Otario Celiani. On trouve aussi des courts-métrages inédits de Jean-Claude Brissot. Alors voilà, Jean-Claude Brissot, vous le connaissez peut-être, peut-être pas. C'est un cinéaste qu'ici, dans Home Alone, on aime beaucoup. Voilà, c'est l'occasion de lui rendre hommage parce qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et en 2019, voilà, il aurait dû avoir une rétrospective à la Cinémathèque, il ne l'a pas eu. On vous laisse découvrir pourquoi, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais ça n'est pas que du film de patrimoine, hein, Henri. C'est aussi parfois du film récent. Notamment, ils ont fait tout un programme qui s'appelait American Fringe sur le cinéma ultra indépendant américain. Ça, je sais que Jean est passé à côté et moi aussi, mais qu'on aurait vraiment aimé voir ça. Donc voilà, Henri, c'est pareil, hein, c'est comme la médiathèque numérique, ça coûte rien, il suffit d'aller y faire un tour de temps en temps. Vous allez voir s'il y a un truc qui vous tente et puis vous regardez. Et puis alors pour terminer, on va parler de MK2 Curiosity très rapidement. MK2 Curiosity, c'est quoi ? C'est 5 films chaque semaine, une sélection assez éclectique, il y a de tout, mais notamment ce qui est bien avec MK2 Curiosity, c'est que il y a des films pour les enfants. On n'a pas beaucoup pensé aux petits. Voilà, mais eux aussi, ils aiment voir des films. Et alors, par exemple, la semaine avant qu'on enregistre, il y avait les Alice Comedies de Walt Disney. Là, cette semaine, il y a Tex Avery avec les Merry Melodies. Donc, voilà, MK2 Curiosity, pareil, vous allez voir ce qui sort une fois par semaine. Et puis, ça peut être l'occasion de voir un film que vous n'auriez pas vu ailleurs. Voilà. Et sinon, bah alors là, pour terminer, vraiment terminer, on peut aussi vous parler d'Arte Plus 7. Alors, Arte Plus 7 sur le site d'Arte, arte.tv. À la fois, c'est un peu frustrant parce que, bon, quand vous ouvrez le programme télé et que vous vous dites « Ah tiens, il y a ça sur Arte, c'est intéressant, mais j'ai pas le temps. » Après, vous allez sur Arte Plus 7 et le film, il y est pas forcément. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de choses qui laissent... pendant longtemps après leur diffusion. Donc c'est intéressant d'y aller, faire un tour de temps en temps, parce que là, par exemple, en ce moment, ils ont des films d'un cinéaste que moi, j'aime beaucoup, que je sais que Jean aime beaucoup aussi, qui s'appelle Emmanuel Mouret. Voilà. Je sais que vous en avez entendu parler certainement dernièrement, parce qu'il a été nommé pour beaucoup de César cette année. Et sur arte.tv, vous pouvez voir ses premiers films, mais pas que. Il y a aussi des films plus récents comme Caprice, des films de la période intermédiaire comme Changement d'adresse avec Frédéric Bell, hein, Frédéric Bell de La Minute Blonde, qui n'est pas que La Minute Blonde, hein, Frédéric Bell qui est aussi une actrice que moi j'aime bien, une actrice voilà, qui a été pendant quelques films en quelque sorte un petit peu la muse d'Emmanuel Mouret. Je sais qu'il y a aussi un film d'Emmanuel Mouret avec une actrice que Jean aime beaucoup, qui s'appelle Virginie Ledoyen. Un baiser s'il vous plaît. Un baiser s'il vous plaît. Donc voilà, vous pouvez voir ça. Vous pouvez aussi voir une série anglaise qui est vraiment jolie et qui change de ce qu'on voit habituellement, qui s'appelle Détectoriste. Donc voilà, Arte plus 7, un petit tour de temps en temps. Vous allez voir et puis vous n'êtes jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais puisque nous sommes là avant tout pour parler de films et qu'il est déjà bien tard, voici venu le moment de notre dernière rubrique. C'est l'heure. Du petit Dijo. Oh, le petit Dijo. C'est parti. J'étais passablement saoul. Hein. Vous étiez surtout malade. Non, je sais que j'étais ivre-morte. Je me suis mal conduit. Oh, ma pauvre enfant. On voit que vous ne connaissez pas le trou. Vous avez la nausée ? Votre main tremble déjà ? Vous voulez une gorgée d'alcool ? Je bois. Pour moi, il n'y a que ça. Non, je suis arabe. Des éléphants roses, des araignées sur le plastron. De mon smoking, des chauves-souris au plafond. Du living room. On nous a resservi à boire. T'as bien fait. J'ai encore soif. Que cela ne tienne, Joseph. Servez à boire à madame. Oui, Joseph, servez à boire à madame. Alors, le petit Dijo, c'est quoi ? C'est un petit cadeau que l'on vous offre juste avant de se quitter. C'est le dernier petit verre pour la route, celui qui réchauffe les corps et les cœurs. C'est le quickie que l'on s'accorde sur le pas de la porte au moment où l'on avait prévu de juste se dire au revoir. Le petit Dijo, c'est un film tout court que l'on exhume de notre cachette secrète pour notre plus grand plaisir et le vôtre, on espère. Alors, Jean, histoire de faire passer ce copieux menu qu'on a servi à nos invités, qu'est-ce que tu nous proposes ? On vous propose un film japonais, un court-métrage qui s'appelle My House Walkthrough. My House Walkthrough, un film de Nana 825763. Oui, parce que effectivement, c'est un film YouTube, voilà. Donc nous n'avons pas le nom civil de ce réalisateur ou cette réalisatrice, d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà. Alors, My House Walkthrough, pour donner envie à nos auditeurs de le regarder, comment on peut leur présenter ça, Jean ? Bah, c'est ce réalisateur ou cette réalisatrice qui nous présente sa maison au Japon. Elle est comment, sa maison ? Elle est comment, sa maison ? Elle est pas en bon état. Hein. Elle est pas en bon état, mais elle est infinie, en tout cas. C'est-à-dire ah oui, que c'est grand. C'est par le montage, en fait, on passe de pièce en pièce et on se rend compte petit à petit que c'est toujours la même pièce. Et vraiment, voilà, si vous avez envie de frissons, vous allez comprendre dans ce film ce que c'est le frisson, c'est-à-dire qu'à chaque ouverture de porte à la japonaise, hein, donc on parle de portes qui s'ouvrent de gauche à droite, là, qui glissent. Hein, ces cloisons amovibles à base de feuilles de riz. C'est ça. Et vraiment, à chaque ouverture de porte, vous allez paniquer, avoir peur, voilà, tous ces registres du film d'horreur. C'est l'équivalent en cauchemar d'une visite virtuelle d'appartement sur seloger.com, en fait. Voilà. C'est ça, exactement. On peut dire ça. Et donc, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure quoi ? Un quart d'heure ? Un quart d'heure, ouais. Un quart d'heure. Et après avoir ingurgité tout ce qu'on vous a mis au fond du gosier, je pense qu'avec ça, vous allez bien vous chier dessus. C'est ça. Vous avez l'impression d'être passé dans le Darknet. Hein. Quand on vous parle du Darknet, de ces endroits de l'Internet que vous ne connaissez probablement pas. Vous n'avez pas envie d'atterrir. Ouais. Et voilà. Et ben là, vous avez l'impression de basculer en allant juste sur YouTube, hein, d'un endroit safe à un endroit. Vous n'êtes pas très inquiétant, à l'aise. Quoi, voilà. Vraiment. Et si jamais ça ne vous suffit pas, si jamais vous avez besoin de plusieurs petits Dijos, eh ben, on vous conseille également d'aller faire un tour sur les sites d'Arte, France 2 et France 3, parce que ces trois chaînes ont le mérite de diffuser du court-métrage. Hein, parce qu'en fait, le court-métrage, il est bien visible en France. Hein, bon, il passe à minuit hein, ou après minuit, le samedi soir, le dimanche soir, le vendredi soir sur ces chaînes, dans des émissions qui s'appellent Court Circuit, Histoire courte et Libre cours. Mais rassurez-vous, c'est aussi disponible en replay. Donc voilà, si jamais vous n'en avez pas eu assez avec My House Walkthrough, si jamais vous voulez vous faire un petit autre petit kiff, si jamais vous voulez voir du court-métrage, allez sur les sites d'Arte, de France 2, de France 3. Vous regardez les replays de Court Circuit, Histoire courte et Libre cours. Et là, je pense que vous aurez votre dose. Donc, Jean, me dis pas que c'est la fin quand même. Bah, ça y ressemble un peu. Hein. Ça y ressemble. Donc voilà, c'est déjà la fin de Home Alone. Nous espérons que vous apprécierez ces quelques recommandations, ce long moment passé en notre compagnie. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante si jamais vous avez des retours à nous faire, des films, des séries à nous conseiller. Hein, toujours la même adresse, homeloncinema@gmail.com. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, hein, si vous souhaitez être tenu informé de la diffusion de nos prochaines émissions. Sachez qu'on est aussi sur tous les réseaux Facebook, Instagram, Twitter. On a aussi une newsletter. Vous allez juste recevoir un mail par mois pour vous dire que voilà, ça y est, c'est en ligne, si vous voulez pas trop vous faire chier. On voulait aussi tenir, on tenait aussi, bah, ça y est, je bafouille, c'est la fin, c'est l'émotion, on tenait aussi à remercier bah, les gens qui nous ont aidés hein, dans cette aventure. On remercie Seb pour ce magnifique logo qu'il nous a fait, merci Seb. On remercie Lucas aussi qui nous a aidés à rendre un peu plus propre cet enregistrement qui ne l'était pas forcément à la base. On remercie aussi nos drôles de dames, hello, Anne, Manon, voilà, hein, les trois nanas, les trois super nanas, les Powerpuff Girls de notre vie. On remercie aussi le Corona, hein, parce que sans lui, on n'aurait jamais eu cette idée hein, de parler de cinéma à la maison. On remercie Thoman, ils comprendront pourquoi. On remercie Menguiz, Carrefour, on remercie Reed Hastings quand même, parce que s'il n'avait pas créé Netflix, on n'en serait peut-être pas là à parler de Netflix. C'est sûr. Et on remercie le seul, l'unique, celui qui nous manque tellement sur les écrans, Macaulay Culkin, ben oui, notre petit Kevin à nous. Et donc, dans un mois, on vous parlera de plein de choses, hein, on ne sait pas encore quoi, mais on vous le dira. Et puis, d'ici là, tout comme Kevin, n'oubliez pas de vous laver complètement, avec du savon, même vos petites fesses, vos doigts de pied, votre petit nombril, et surtout d'aller faire des courses en ville si vous n'avez plus de brosse à dents. Voilà, merci à vous, merci beaucoup, on vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. Tout ça avant le couvre-feu. Et tout ça avant le couvre-feu, tout ça avant le couvre-feu. Gros bisous, bisous. On vous embrasse. Et on vous quitte en musique.